Kim. Bigou. Oh, elle est monstrueuse celle-là. Le but de cette finale. C'est fini, Loulou Nicolas. Montpellier, René Girard, il se brûle. Magnifique. Le premier mot, premier ils sont champions de France. Bagarre. Où la bataille était le match. La bataille le match, moi. On est les champions, putain! On est les champions! C'est bien. Bonsoir à tous, nous sommes techniquement pour vous lundi 7 mai, mais là actuellement on est le vendredi pour cause un peu technique. On enregistre cette émission vendredi 4 mai, c'est la saison 3 toujours de Sport & Chill et c'est l'émission 30, on passe un autre palier, c'est bientôt la fin, mais déjà 30 émissions dans cette année, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, oui. Du coup, émission un peu exceptionnelle puisqu'on est avant le week-end et on fait pas de résultats pendant cette émission-ci. On va faire beaucoup de débats. On va commencer surtout par une parole aux Chillers, notamment. On parlera de rugby, de hand, de NBA et de foot, évidemment. Puis après, on aura des débats, donc MHB, le hand, MHR, le rugby, pour le sport montpelliérain. Puis des débats multisports, du tennis, du foot, du cyclisme et encore du football, notamment. On va finir avec du ballon d'or. D'ailleurs, on finira aussi sur un quiz spécial ballon d'or, vous verrez ça en fin d'émission. Et ce soir techniquement j'accueille un petit nouveau. On va commencer par le petit nouveau, c'est Guillaume. Pas Guillaume Bialès, mais notre Guillaume. Salut Guillaume. Bonsoir. Dis-moi un peu tes sports favoris. Allez, on va dire trois sports favoris et dans chacun des sports un club que tu admires ou que tu supportes, en vrai. Alors, à la grande surprise de tout le monde, j'aime le foot. Attention à ce que tu vas dire. Voilà. Et donc je supporte Montpellier localement évidemment et le grand club, l'immense club de Liverpool qui est en finale, ouais. Qui est en finale de la Ligue des Champions. Après handball parce que c'est le sport que je pratique depuis quelques années maintenant. Et là, il y a que Montpellier. Ouais, évidemment. Et le tennis, mon troisième sport favori. Ouais, un petit tennis est-ce favori. Est-ce qu'il est classique dans ses choix avec Roger Je suis très très classique, Roger Federer. Ouais. Et chez les filles, j'aime bien les françaises, ouais. Ok, bon, de toute façon, on en parlera tout à l'heure des françaises. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que j'ai jamais entendu quelqu'un dire j'adore Andy Murray. Par exemple, c'est assez rare en effet, ça paraît même iconoclaste. Personne, alors il y a souvent le conflit entre Nadal et Federer, mais t'as jamais quelqu'un qui dit j'adore Andy Murray. Non, mais c'est vrai, il est quand même assez clivant. Ah oui, tout à fait. Que dire de Nadal et Nadal aussi, par exemple, même Federer. On les a lancés sur un débat. Je te laisse présenter Paul, salut à toi. Salut Flo, salut tout le monde. Dimitri, qui a pas encore parlé, qui est bien sage au début d'émission, salut. Non, on laisse la nouvelle bleue aller se présenter. Et notre dernier chroniqueur, c'est Yacine, salut. Salut à tous. Allez, bon, sans plus tarder, on va commencer avec la parole est aux Chillers. La parole est aux Chillers. Je vais commencer pour la peine et je vais parler de handball et notamment de Final Four. Vous savez que Montpellier s'est qualifié pour le Final Four, donc la Ligue des Champions, le carré final, les demi-finales en Ligue des Champions de handball. Voilà ce que c'est le Final Four. Et depuis 2009, ça se joue dans une salle soi-disant neutre pour la finale, donc les demi et la finale. Là, ce qui se passe, c'est que bon, ça se joue à Cologne. Il n'y a aucun Allemand. C'est déjà un petit problème, mais cependant, on peut pas prévoir à l'avance qu'il n'y aura aucun Allemand en Final Four. Mais bon, c'est quand même un petit problème. Mais surtout que c'est Cologne, à savoir la Lanxess Arena, qui est depuis 2009 le lieu de cette finale de Final Four. C'est un peu dommage puisque quand même je pense qu'il y a d'autres pays en Europe qui aimeraient recevoir tout de même un Final Four de handball. Mais ça c'est pas le plus gros problème. Le plus gros problème c'est le prix. Non ouais. Mais je trouve quand même que c'est bien parce que justement il n'y a pas d'Allemand. Ouais, non, mais le prix, c'est ça le plus gros problème. C'est en deux jours, donc ils verront deux demi-finales plus la finale. Bon, il y a certes trois matchs. Le moins cher. Donc le moins cher, hein, pas avec les supporters, le moins cher donc en visiteur neutre, on va dire, c'est 120 euros pour ce petit week-end. 40 euros le match. 40 euros le match. Et le problème, c'est qu'il y a des coins supporters, donc il y aura au moins 4 coins supporters, vu qu'il y a 4 équipes. Et dans ces camps supporters, c'est 265 euros la place pour ces deux jours. Donc, quoi faire grincer des dents, notamment chez les supporters et notamment chez Blue Fox à Montpellier, évidemment, puisqu'il y a l'hôtel, hein, évidemment, l'hébergement, le voyage, etc. Ce qui peut faire vite fait une petite somme de 500 euros le déplacement. Oui. 500, t'es gentil. Ouais. Et du coup, les Blue Fox demandent des financements, peut-être de mécènes, hein, peut-être, qui peuvent financer un peu le voyage. Ils font des tombolas, ils font plein de trucs pour essayer de financer un petit peu et que le voyage soit à moindre coût. Est-ce que Sorel peut pas un peu donner un coup de main ? Ça dépend de la ville aussi, mais c'est compliqué, c'est peu reluisant pour le handball qui se veut quand même un sport plutôt abordable pour tout le monde. Et Lévi peut pas aussi participer justement à ce financement ? Moi, ce qui me paraît un peu fort par rapport au prix, c'est en effet, pour l'instant, toute proportion gardée, ce qu'est le handball en matière de notoriété. C'est-à-dire que pour l'instant, je sais bien que c'est une finale, je sais bien que c'est un Final Four dans laquelle vont se dérouler trois matchs. Je ne sais pas si Paul, par exemple, tu aurais peut-être des infos sur les tarifs des finales de Coupe d'Europe de rugby, mais je ne sais pas si c'est si élevé que ça comparé aux tarifs proposés pour le Final Four à Cologne. Je crois que, comme il y a les demi-finales au Parc OL, il me semble que c'est... j'ai pas envie de dire de bêtises, mais j'ai entendu 40 euros, tu vois. Voilà, donc... Donc on est bien loin des standards de Cologne, justement, où tu parles de plus de 100 euros. Bah après, bon, c'est 40 euros par match le moins cher, mais bon, c'est vrai que là, une finale de rugby, c'est un match, quoi. Oui, c'est tu mets sûr. Pas 120 euros d'un coup. Qu'à Cologne, ce soit, même Hand, que ce soit si cher. Ouais. Puis dans une salle de 20 000 places, 40 euros, t'es au dernier rang. Ouais, voilà. Et puis, non, mais le problème, c'est surtout... Ben, t'as 20 000 places à Cologne ? Ouais, il y a trois clubs qui viennent loin, peut-être le plus proche, c'est Paris, mais de Nantes à Montpellier, et surtout encore moins du Vardar en Macédoine. Le Vardar, ça doit être encore plus compliqué, sachant que leur pouvoir d'achat n'est pas déjà le même que le nôtre. Oui, mais eux, ils se déplacent. Ouais. Moi, ce qui me paraît un peu étrange, en fait, par rapport à ces tarifs-là, c'est que, bon, après, que ça soit moche ou pas, entre guillemets, c'est vrai que les tarifs des places, plus on avance dans les compétitions, plus les tarifs sont aussi réglementés par rapport à la notoriété dont je parlais, que le sport a. Et c'est vrai que pour le football, on a des tarifs exorbitants. Au tennis, on peut avoir aussi des tarifs exorbitants. Et le handball, on pouvait s'attendre en effet à ce qu'on ait des tarifs moins élevés, sachant que le rugby, bon, en effet, il faut payer sa place, mais ça me paraît relativement raisonnable au prix indiqué. Donc, oui, c'est plus universel que le hand. Voilà, et avec en plus le prix d'achat dont tu parlais, venant surtout des pays de l'Est qui n'ont pas le même que les pays d'Europe de l'Ouest. Donc ça me semble un peu fort de cacher. Tu n'as pas en plus l'engouement médiatique que tu as pour certaines compétitions de foot ou de rugby. T'as pas ce comme je dis, cet engouement médiatique qui fait qu'à un moment donné, tu peux promouvoir aussi le hand. T'as pas de... Par exemple, en France, t'as pas de chaîne publique qui va retransmettre les matchs. La finale seulement. Ouais, le groupe TF1 a annoncé que la finale... Pas les demi-finales. Ouais. Parce que ça sera une finale française. D'accord, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté. Oui, parce qu'il y aura au moins un club français en finale. Parce que l'année dernière, il y avait Paris, ils n'ont pas... Voilà. Tu voulais pas réagir avant Dimitri ? Ils ont tout résumé. Après, oui, je voulais juste clore la parenthèse handball aussi sur le lieu. Parce qu'on a parlé du prix, mais pas forcément du lieu. Moi, je suis un peu circonspect par rapport au fait que ça se tienne toujours à Cologne. Évidemment, actuellement, pour cette année, le lieu s'y prête parfaitement. Si on cherche un lieu de neutralité, c'est sûr que Cologne s'y prête, vu qu'il n'y aura aucun club allemand en demi-finale. Oui. Mais bon, depuis 2009, ça commence à faire beaucoup, ça fait quasiment 10 ans. Et j'aurais aimé, oui, qu'il y ait une grande rotation en Europe, surtout que, bon, que ce soit en Europe scandinave, en Europe latine ou en Europe de l'Est, ça m'aurait pas semblé scandaleux qu'à la rigueur, une arène, une enceinte accueille tous les deux ans, pendant deux ans, pardon, le Final Four, ça m'aurait pas semblé. Après, ça faudrait revoir, du coup. Ouais. On passe à... Bah, tu peux continuer, Yacine, sur un petit point rugby. Oui, alors moi, je voulais juste faire un coup de cœur sur, en guise d'adieu pour les futurs retraités d'ici la fin de saison de certaines légendes du rugby français et pas que. Alors, principalement, Vincent Clerc, Aurélien Rougerie et Frédéric Michalak. Alors, principalement eux, parce qu'ils sont aussi les symboles d'une génération qui nous a fait rêver avec l'équipe de France, avec le rugby en club aussi, où ils ont tout gagné, où ils ont aussi donné leur empreinte au 15 de France et où ils sont passés pas loin du tout de gagner la Coupe du Monde 2011. Donc voilà, c'est des gens qui se caractérisent d'abord par une exceptionnelle longévité. Qu'on voit déjà depuis le début des années 2000, ils foulaient déjà les pelouses des enceintes du top 14. Donc c'est une page qui se tourne et voilà, je sais pas ce que vous en pensez, si c'est aussi c'est une le cas pour vous. Qui se tourne. Mais les larmes. Il y aura une petite nostalgie, oui. En plus avec une incertitude planant aussi sur sur leurs héritiers en équipe de France, puisqu'on les a pas encore trouvés. Ça nous laisse, oui, l'image d'une équipe de France qui gagnait, qui avait un style de jeu bien à lui. Ouais, Rougerie, ça, il est international en 2001, donc il a connu les maillots lâches, tout début de la professionnalisation du rugby. Vincent Clerc, il commence en 2003, je crois, où il joue au premier match face aux Blacks, face à John Alomou. Donc c'est une génération qui s'arrête, c'est sûr, comme tu dis. T'as Julien Pierre aussi qui arrête, Fred Michalak. Ouais. Ce sont quand même des grands noms du rugby français. Et ça va être un grand moment ce week-end quand on va les voir pour la dernière fois sur le terrain. Surtout que clairement on n'a pas été qualifié, donc peut-être que Rougerie aussi a un peu ce regret là de quitter ses partenaires sur une saison ratée. Clermont est passé un peu à côté de sa saison après avoir fait une super année l'an dernier. Donc il aurait, je pense, espéré un meilleur départ, mais ça reste quand même sympa. Et puis je retiens moi une phrase qu'il a dite pour les multiples interviews qu'il a passées, comme quoi son dernier match, etc., où plusieurs journalistes ont posé la question est-ce que le plus grand regret s'arrête de ne pas être champion du monde en 2011. Il dit si, bien sûr, mais ce qui nous a tous marqué, c'est que une légende du rugby néo-zélandaise, je sais plus qui c'est, qui leur a dit: vous ne méritez pas d'être en finale, mais vous méritez d'être champion du monde. Parce que c'est vrai, quand on regarde le parcours assez atypique, et au final, en finale, tu fais une finale de feu, tu te surpasses. Tu fais le meilleur match de ta compétition. Et puis malheureusement, c'est Black qui arrive à la fin gagné. Ouais, non, mais simplement merci pour les... Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Merci pour les grandes émotions. France-Nouvelle-Zélande 2007 à Cardiff. C'était encore une certaine idée du French Flair. Tout à fait. Voilà. Oui, c'était Vincent Clerc qui est le meilleur marqueur d'ailleurs du top 14, avec 100 essais, qui a égalé Laurent Rabot et Rougerie qui est juste derrière, je crois, avec 95 essais, un truc comme ça. Peut-être un rugby un peu moins stéréotypé qu'on a actuellement. Ça me paraît une évidence. Ouais, et Michalak, meilleur buteur de l'équipe de France, meilleur marqueur de points, je crois. Je croyais Vincent Clerc toujours meilleur marqueur en essais ou pas. L'équipe de France, il a 37 essais, je crois, en équipe de France, avec 64 sélections, ou inversement 34 essais et 67 sélections, enfin c'est un truc comme ça. Ils ont marqué l'histoire de l'équipe de France et de leur club, notamment dans les statistiques, en effet. Puis c'est des profils qu'il y a de moins en moins, je trouve, aujourd'hui, le profil d'ailier. Aujourd'hui, t'as beaucoup de Fidjiens qui s'imposent aux ailes, ou alors des petits gabarits. Ouais. Là, c'est un peu entre... Bon, Rougerie était quand même costaud, mais Vincent Clerc avait le profil. Je trouve qu'il y a peu d'ailiers aujourd'hui comme Vincent Clerc. 67 essais marqués en équipe de France. Non, 67 sélections. Deuxième meilleur marqueur du rugby français. 67 essais. À 4 longueurs de Serge Blanco. 67 essais, ouais. À vérifier. Ah non, non, toutes les sélections. 67 sélections, 67 sélections et 34 essais, je crois. Non, je vois un peu trop beau, désolé. Bon, allez, on enchaîne sur. On va finir par le foot, du coup, on va enchaîner avec la NBA. Avec un LeBron James. Princess Fake. Stratosphérique, en effet. Il est juste énormissime. Il est devenu le meilleur intercepteur en playoff. Il est le 7e meilleur rebondeur en playoff. L'année dernière, il est devenu le meilleur marqueur de l'histoire des playoffs. Cette nuit, il a encore inscrit une quarantaine de points pour permettre à son équipe de gagner face aux Raptors et de mener 2-0. Alors c'est une petite surprise d'ailleurs le 2-0 des Cavs. On va dire que c'était une surprise vu la forme des deux équipes et vu que mais LeBron en fait c'est lui contre le reste depuis le match numéro 6 contre Indiana, c'est lui qui tient son équipe. Est-ce que je peux me permettre une métaphore avec le foot et le réveil du réel à chaque fois en mars ou en février, au réveil de LeBron en phase finale, enfin réveil. Ah oui. C'est un grand mot dire réveil parce qu'il fait quand même une bonne saison, mais il prouve que bon, il est le meilleur, c'est toujours dans les moments importants. The King, c'est The Goat, quoi. Ouais, on a l'impression qu'il acquiert encore un niveau supplémentaire quand les playoffs arrivent, quoi. Il se bonifie avec le temps encore. Ouais. La principale question maintenant, c'est est-ce qu'il est le meilleur de tous les temps? c'est une question est clivante, parce qu'après on peut pas aussi comparer peut-être avec d'autres périodes, avec Michael Jordan. Michael, mais justement c'est les titres. En face, il y a quoi? Il y a une super team. On pense aux Warriors, justement. Ouais. Qui peut arrêter un dieu? Une super team. Ouais, c'est vrai que là, ils sont encore partis pour aller gagner. Je dirais oui, mais c'est un autre débat, peut-être qu'on en discutera une fois. Ok, bon, donc le message sur LeBron est passé, mais bon, ça... Ouais, non ? Non. Il n'y a pas de réaction, non. Okay. On va finir par le foot. Guillaume, tu veux parler d'un sujet un peu plus précis, on va dire l'arbitrage en général, mais surtout le système des mains, on va dire, ouais, dans le football. Exactement. Alors moi, je suis un très très grand défenseur des arbitres, donc je ne vais pas dire ça pour les critiquer, absolument pas. Je pense toujours que c'est l'arbitre, c'est pas l'arbitre justement qui fait perdre une équipe ou qui la fait gagner. Mais cette semaine, on a vu trois matchs, trois grands matchs de Coupe d'Europe, où à chaque fois il y avait une situation délicate à propos d'une main. Mmh. Vidéo. Vidéo. Non. Et donc la main de Marcelo, Real Bayern, la main de Alexander Arnold de Roma Liverpool, la main hier du défenseur de Salzbourg, j'ai plus son Calais nom. Caleta-Car. Voilà. Il y en a eu d'autres, le penalty sifflé contre Liverpool. Sur Clavan, il n'y a pas. Enfin, si on siffle là, on les siffle toutes, pour le coup. Et voilà, il n'y a pas. Moi, j'en appelle, s'ils m'entendent, au bord de la FIFA, pour enfin uniformiser cette règle des mains. Quand est-ce qu'on siffle ? Est-ce que main décollée du corps, on siffle systématiquement ? Est-ce que l'intentionnalité de la main est la seule, doit être la seule cause pour siffler un penalty ? Parce qu'en fait. C'est ce qui doit être actuellement normalement, ça, non ? Oui. Voilà, c'est l'intentionnalité. Il n'y a que ça. Mais c'est ce qu'il faut, non ? Mais c'est compliqué de juger une intentionnalité tout de même. C'est ça. Oui. Et donc après, ça crée des débats. On entend les Marseillais hier, Rudy Garcia, hier, la première chose dont il parle, en conférence de presse, après une qualification pour une finale européenne, c'est pas tous les jours quand même, il parle de l'arbitrage. Bon, Rudy Garcia, on le connaît. Il aurait pu s'en passer pour cette soirée-là, évidemment. En effet, ouais. Les débats, ils se cristallisent autour de l'arbitrage alors qu'on a vu quand même des grands matchs de football. Ouais, c'est dommage. En quart de finale, c'était pareil, il y a eu des petits problèmes d'arbitrage. Et voilà, et ça crée des débats, on parle pas de football, on parle des arbitres, c'est eux qui prennent tout sur la tête. Il y a eu des, c'était pas pour une main, mais il y a eu des menaces de mort à l'encontre de l'arbitre Real Madrid-Juventus. Tout ça, toutes ces polémiques à cause d'un manque d'uniformité sur la règle et sur l'arbitrage, c'est que y a des dérives qui peuvent quand même être assez graves. Conséquent, ouais. Parce que tu as l'intentionnalité donc, de la main, du geste, mais tu as aussi si la main est près du corps. Parce que c'est vrai que si un mec défend un bras ouvert et que sans faire exprès, il touche avec la main, bah là, il y a main. Parce après, que t'es censé défendre. L'un va avec l'autre. C'est-à-dire que si le joueur fait l'effort de mettre ses mains voilà. Collées, ça veut dire qu'il n'y a non, pas d'intentionnalité. Oui, voilà. De... Voilà. Après, le souci qui se pose aussi, c'est que et bon, après, ça dépend toujours des différentes actions. Ça me rappelle aussi, par exemple, le centre qui amène la main de Marcelo. Il met les mains devant lui. Et à un moment donné, est-ce qu'on peut penser aussi légitimement qu'il aurait eu le temps de mettre les bras comme ça pour défendre et de mettre... Bon, moi, je sais pas. Je sais bien que ça peut participer aussi à un geste de réflexe, mais qui n'était pas forcément intentionnel aussi à mon esprit. Parce qu'après, l'intentionnalité, il y en a très peu de penalty qu'on siffle finalement. Ah, parce que Marcelo, il n'y a pas d'intentionnalité, techniquement, parce qu'il ne veut pas faire main. Je veux dire, à la rigueur. Je veux dire, il y a main flagrante, voilà. Mais il ne veut pas faire main. C'est-à-dire que les mains intentionnelles, c'est les mains vraiment décollées, quoi, à la geste, voilà, façon volleyeur, quoi, qu'on peut vraiment voir. Après, le reste, c'est sujet à polémique pour moi. Je précise que Marcelo, après le match, a lui-même admis qu'il avait main. Mais j'ai pas dit qu'il n'y avait pas main. Pour moi, il y a main, il y a penalty, tout ce que vous voulez. Mais. Techniquement, l'intentionnalité, jamais Marcelo, quand il voit la balle, il dit ouais, je vais mettre la main. C'est là ce qu'on disait, c'est que si à un moment donné tu défends d'une certaine manière, t'as un réflexe qui est malheureux, et c'est pas grave, voilà, il y a pénalty, c'est comme ça. Ouais. C'est la ça. Faute, t'as fait une faute, même pas fait exprès, mais bon, c'est comme la ça. La journée d'après, oui, avec Alexander Arnold, là, il se jette. Il fait vraiment un geste de contre-volée, il le fait comme ça, il lève vraiment les deux bras. S'il contre pas, il y a but. Et pour le coup, on peut penser que pour le coup, la faute d'Alexander Arnold était beaucoup plus intentionnelle que celle de Marcelo, même si Marcelo a reconnu après le match qu'il y avait bel et bien pénalty. Mais Alexander Arnold, il lève de 2 mètres les bras, il fait vraiment façon intercepteur au volet. Tu peux difficilement ne pas siffler pénalty sur ça. Alors que Marcelo, c'était plus un geste de réflexe qui pouvait siffler en effet, mais qui était moins apparent que. Un pénalty, ça peut être par une main, ça peut pas être finalement une main décollée. Et une main qui change la trajectoire d'un tir. Moi, je suis pour ça. Si on me demandait mon avis pour réécrire la règle, ce serait toute main décollée du corps. Oui. Mais toute main décollée du corps, c'est un peu sévère. Parce que des fois aussi, le ballon va à la main, on est à 2 mètres. Mais ça, et les actions qui coupent un centre dans les 6 mètres. Ou, voilà. Ça, oui. Bon, Vous pouvez me permettre un petit... J'ai une petite pensée pour un joueur. Qu'on a pas, parce qu'on parle de joueurs à la retraite justement en rugby. Reviens 10 ans après, vas-y, je t'en prie. Mais comme on parle de football, donc j'ai un joueur français qui ne sera pas à la Coupe du Monde, qui s'est blessé hier. Laurent Koscielny. Laurent Koscielny, tout à fait. S'il vous plaît. C'est terrible. Bah, on va parler de joueurs à la retraite, mais là, enfin, la retraite. Qui devait partir à la retraite, mais qui re-signe à chaque fois pour le bonheur de leur club, peut-être, et notamment de Montpellier, avec deux signatures, dont Souleymane Camara, mais surtout pour toi, Vitorino Hilton. Bah voilà, bah t'as tout dit. Non, c'était un coup de cœur local, on va dire aussi. C'est vrai que quand j'ai vu la notification sur l'équipe marquant Vitorino Hilton prolonge d'un an son contrat. Je crois qu'il prolonge d'un an son contrat depuis 4 ans maintenant. Ouais, je pense qu'il va arrêter finalement, il reste. Mais n'empêche, il fait tellement ses matchs à chaque fois, il apporte tellement. Je pense que dans le vestiaire, c'est quelqu'un tellement important, qui a du charisme. Et aujourd'hui, à Montpellier, t'as beaucoup de jeunes, et c'est important qu'il y ait un papa qui puisse justement encadrer les joueurs, les jeunes, et les mettre ensuite dans le sens de la marche. Attends, il a le double de certains, de beaucoup même. Ouais, mais oui, Moukele, il a 20 ans. Moukele a 20 ans, Ikoné a 20 ans, il y en a un paquet qui ont 20 ans. Et Moukele, je pense qu'il fait pas la même saison sans Hilton à côté. Clairement, oui. Mais bien sûr, et parce que c'est quelqu'un qui rassure, tu vois. C'est sympa, quoi, tu dis ? C'est le Ramos de la paillade. Voilà, mais c'est ça, exactement. Il est arrivé en 2011, il a connu plein de choses avec Montpellier, il était champion de France, il a connu malheureusement le décès de Loulou Nicolin, donc il a plein de valeurs qui peuvent être bénéfiques pour ceux qui arrivent à Montpellier, pour ceux qui sont encore là et pour les jeunes. Donc moi j'étais satisfait de voir prolonger. Donc pour rappel, il a 41 ans, je crois. Oui, mais... Il va avoir 41. Il va avoir 41 et Souleymane Camara va en avoir 40 aussi. Après, il a dit qu'il voulait pas jouer l'année prochaine tous les matchs. Oui, je pense qu'il ne peut plus être lucide sur le fait. Il peut plus, mais il dit ça. Et cette année, il fait encore quoi? Il fait une trentaine de matchs encore cette année. Ah oui, il fait ses 30 matchs, mais après, c'est une défense à 5. L'année prochaine, si Roussillon part, est-ce que le coach voudra continuer avec cette défense à 5, sachant que ça repose sur des latéraux très offensifs et très analytiques? À ce moment-là, si on repasse tactique, à 4, Hilton, dans ce cas-là, il pourra pas jouer les. Parce qu'il a plus de courses à faire, il pourra pas jouer les matchs. Mais c'est vrai qu'Hilton, bon, en tout cas, son leadership a jamais été remis en cause, c'est ce qui est bien. Il a l'identité du club qu'il a acquis depuis son arrivée, il est aimé des supporters, il montre encore une fois, il prouve encore une fois toute sa présence dans le 11 à chaque fois, parce que je sais bien, cette année, il est quelquefois passé un peu plus à travers que les saisons précédentes, mais on va imputer ça aussi sur le poids de l'âge. Toujours est-il que la plupart des matchs qu'il a joués, il a toujours été régulier. Ça n'a peut-être pas été le meilleur cette année parce que d'autres défenseurs se sont détachés aussi, mais c'est quelqu'un qui transcende son coéquipier. On parlait de Moukele, mais ça a aussi été le cas de certains défenseurs avant, comme Congré, qui était mauvais, puis après qui était replacé avec Hilton à côté. Puis, qui reste mauvais, du coup. J'ai l'impression qu'il dégage un peu plus de sécurité. Bon, déjà, ça n'a jamais été le pire défenseur de Ligue 1, mais non. Je veux dire, on a l'impression plus d'un sentiment de sécurité renforcé avec Hilton à ses côtés que lorsqu'il était seul. Je pense que quand tu joues avec Hilton, tu te sens en sécurité, tu vois. Oui, puis en plus, c'est un vrai leader technique aussi, parce que c'est loin d'être un défenseur bourrin, c'est un défenseur qui relance très bien, qui défend proprement, donc chapeau pour sa carrière et sa longévité. Juste pour finir, je pense que Montpellier sera la seule équipe à avoir deux quadragénaires dans son équipe la saison prochaine. C'est possible, ok, mais sans Laurent Pionnier, puisqu'il a définitivement arrêté. Voilà, c'est bon, c'est sûr, ouais. Oui. D'accord. Voilà. Allez, nous, on passe à la deuxième chronique, c'est Jingle Sport Montpellier. Sport and Chill, le sport montpelliérain. C'est une parfaite transition, finalement. On parle du MHSC, maintenant on va parler de deux autres clubs de Montpellier. On va commencer par le MHR, le rugby, et on va parler du MHR et du MHB après, mais c'est la même question pour les deux. Quels sont, selon vous, donc, les éléments d'une saison réussie pour ces clubs? Notamment au point de vue actuel, on verra ça par la suite. Montpellier, c'est peut-être, au rugby, c'est peut-être plus pour les playoffs au final. Voilà, après, Montpellier a un effectif qui est quand même assez conséquent. Cette année, tu recrutes Louis Picamol, tu recrutes Aaron Cruden, et tu as surtout Vern Cotter qui arrive, donc qui a parfaitement assuré la transition avec Jack White, le Sud-Africain, qui a mis en place un jeu très stéréotypé basé surtout sur la puissance. Vern Cotter a conservé quand même cet aspect-là de puissance, mais qui a quand même essayé de développer un peu plus son jeu et de justement grâce à Cruden, grâce à Pinard, qui fait une saison aussi remarquable, qui essaie justement aussi de produire du jeu. Je pense que l'Altrad s'est plutôt régalé cette année à la maison avec en général des scores au-delà de 40 points. Sur le jeu, tu penses que c'est une saison réussie, notamment dans la saison régulière? Alors, est-ce qu'on est, on est bien loin, évidemment, du jeu produit par Fabien Galthié à l'époque, quand il était là, où ça envoyait du jeu de partout. T'avais aussi des joueurs qui te permettaient ça, Trinduc, c'est un mec qui aime jouer, enfin qui aimait jouer en tout cas à l'époque. Là, cette année, je pense que c'est aussi, on est encore dans la phase de transition avec Jack White, même si elle est bien partie. T'as encore une phase de transition, je pense que l'année prochaine ce sera encore plus intéressant parce que t'as des joueurs qui vont, t'as des joueurs qui ont rejoint l'équipe cette année alors qu'ils avaient à peine terminé le Super 15. Je pense surtout à Cruden qui pour moi sera un des facteurs X des playoffs et de l'année prochaine et des saisons suivantes parce que justement il va commencer à s'adapter au top 14, à s'habituer au jeu, etc. Donc je pense que Montpellier ça va être encore mieux avec le temps parce que t'as un coach à la hauteur, t'as des joueurs à la hauteur et je pense que ça sent bon pour les playoffs cette année. Ça sent bon pour les playoffs. Pour toi, ce serait ça cette gage de réussite cette année? Ou est-ce que pour toi elle est déjà arrivée par le jeu? Alors, parce que Montpellier, je pense qu'ils sont en manque de titres à un moment. Ah mais c'est ça le problème. On parle chaque fois de problèmes d'expérience, par exemple en Coupe d'Europe. Je pense que l'expérience maintenant ça fait peut-être 5 fois qu'on est parti à la grande Coupe d'Europe. Donc je pense que c'est ça aussi qui... Peut-être parce qu'on se concentre sur le top 14. Peut-être. Alors, non, je pense qu'on se concentre pas, mais le fait qu'on n'ait pas été qualifié, du coup tu te concentres à 200% sur le top 14, tu vois, tu te focuses là-dessus, et tu peux mieux préparer au moins les échéances du championnat français. Si tu joues à le Champions Cup en même temps, t'as encore deux objectifs, mais t'as l'effectif pour. Hein. Pour moi, t'as l'effectif pour. Mais je pense qu'il va falloir un peu de temps pour que l'équipe s'habitue à jouer les deux compétitions, qui sont deux compétitions de très haut niveau. Excuse-moi, j'ai une question. Alors, tu peux comparer et le Racing, justement, qui est... Pour moi, le Racing, il y a un effectif qui est encore plus intéressant que celui de Montpellier. On va essayer de rester sur le débat, surtout. Voilà. Le débat d'une saison réussie, parce que le Racing, on en parlera un autre jour, je pense. On peut comparer les deux, parce que c'est deux équipes très intéressantes, avec deux équipes... très compétitive, mais je pense que Montpellier ça va venir avec le temps et il faut qu'on ait ce déclic à un moment donné d'avoir un titre. On a eu la Challenge Cup, mais pour moi c'était pas... ça a pas fait beaucoup de bruit, mais je pense qu'il nous manque un titre pour justement qu'il y ait ce déclic et qu'on puisse se lâcher d'une pression et ensuite dérouler. Oui, bon, je vais aussi parler rapidement du MHR en Coupe d'Europe, c'est-à-dire que pour l'instant, moi j'estime pas que leur parcours avait forcément été un échec parce que en dehors de l'histoire, il y avait Exeter aussi, c'est ça, qui était champion d'Angleterre tout en titre. Tout à fait. Donc c'était pas n'importe qui, puis surtout, dans mon esprit, sauf quelques exceptions comme le Racing, la Champions Cup, c'est quand même la compétition par excellence où prime l'expérience vécue en club. Quand on voit les clubs irlandais ou les clubs anglais ou même Clermont qui allaient souvent en finale ou en demi la plupart du temps, ce sont des joueurs qui ont quand même l'habitude de jouer ensemble depuis un certain nombre d'années. Là, Montpellier a remodelé petit à petit, à petite touche, la plupart de son effectif. Maintenant, reste à savoir si cet effectif se stabilisera l'année prochaine. On ne sait pas qui va partir ou pas. Moi, dans mon esprit, voilà, la victoire en Champions Cup, elle est corrélée aussi à une stabilité de joueurs qui jouent ensemble depuis longtemps. Et pour le top 14, c'est que pour l'instant, elle n'est pas encore réussie. Il faut gagner impérativement la demi-finale. Sinon, ça sera d'ores et déjà pour moi un échec de saison, car Montpellier a fini quand même premier largement et sans aucun conteste possible. Est-ce que pour se satisfaire d'une première place en saison régulière? Non, pour moi, non. On a bien vu que l'an dernier, on n'avait pas fini premier évidemment, mais tu reçois le barrage, tu reçois le Racing et tu fais une des pires prestations de la saison sur le match qu'il ne fallait pas perdre et où tu partais relativement favori. Cette année c'est la même, on peut penser que la demi ça devrait aller, et encore quant à la finale, bon, maintenant la victoire, je pense qu'une saison réussie pour moi c'est ni plus ni moins qu'une victoire en championnat. D'accord. Pas plus. Oui, bah après Yacine il a un peu dit ce que je voulais dire, c'est-à-dire que les supporters, je pense pas qu'ils vibrent avec une première place en saison régulière. Non, c'est sûr. Il y a beaucoup de matchs, pas biaisés, mais où des équipes font tourner. Il y a quand même un grand écart de niveau entre les équipes à partir de Clermont. Et je pense pas que quand tu mets 45 à 10 à une équipe, tes supporters vibrent très très fort. En Champions Cup, de là à la gagner, d'accord, il y a quand même encore quelques marches à gagner, à monter, mais de faire un quart de finale, ce serait peut-être pas trop non plus. Ouais, bien sûr, on passe pas en quart de finale. Et en fait, en 2013, en plus. C'est contre Clermont, d'ailleurs. Ouais. Le rugby, il n'y a que deux compétitions. Tu ne peux pas te rattraper en Coupe de France ou en Coupe de la Ligue. si tu fais pas une bonne demi et une bonne finale, ne serait-ce que de gagner la demi, saison est ratée. Saison ratée. Ah oui, oui. Surtout au vu de l'investissement d'Altrad, je sais pas s'il aura la patience d'attendre encore quelques années pour gagner un titre. Ouais. Il sera là, il sera oui, là. Oui, oui, je pense qu'il sera là. Mais à un moment, ça va remuer dans les. Mais en tout cas, j'ai noté aussi, c'est que par rapport à la Challenge Cup où ils ont gagné le titre, mais il y avait 15 joueurs sud-africains sur la feuille de match. Cette année, on a des joueurs du sort de formation comme Gaillard et puis Picamol, c'est-à-dire l'identité du club aussi. Je pense aussi que pour l'engouement pour cette équipe aussi. Pour toi, c'est une victoire le fait qu'on renoue avec le centre de formation un petit peu aussi. Verne Cotter, c'était un de ses objectifs, c'est d'avoir lancé plusieurs jeunes dans le grand bain. T'as eu beaucoup de blessés. En deuxième ligne, t'as Jimmy Maximin, 18 ans, qui a enchaîné les feuilles de match. Il n'a pas beaucoup joué, il n'est pas beaucoup rentré, mais à chaque fois il était là. Il a lancé Thomas Darmon, il a lancé Edgar Debé. Moi je pensais qu'il allait pas jouer, mais au final il a fait quand même quelques feuilles de match. Et il fait des bons matchs en plus. De Vergy, il est quelle nationalité? Il est français, français ou il est Edgar Debé. Il est international U20. Il y a Camara aussi. Awas, Momo Awas qui fait une belle saison aussi, qui a parfaitement suppléé quand Kubrigashvili et Jeanne Duplessis étaient absents. Donc, ça, c'est une victoire pour vous. C'est une victoire aussi pour nous et pour Verne Cotter qui l'a montré déjà à Clermont, lancer les jeunes, aussi lancer le rugby français. C'est intéressant. Quand tu vois que tu as une troisième ligne, Picamol, Galtier, Fufu, trois purs produits du centre de formation. Enfin, pour moi, ça me fait vibrer. Pourvu que ça dure, moi, ça me régale. Pourvu que ça dure, parce que je pense que la grande majorité des supporters dont je fais partie s'identifient beaucoup moins à ce MHR qu'au MHR de Galtier, ça va de soi. Ça après, va de soi. Parce qu'il y avait le jeu, on sentait le Pic-Saint-Loup sur le terrain, quoi. Maintenant, cette année, voilà, comme tu l'as dit, Verne Cotter avait fixé comme une de ses priorités. On s'est mercenarisé. Exactement. De renouer avec une présence française accrue sur le terrain. Bon, pour l'instant, c'est le cas, en espérant que ça dure l'an prochain. On verra, mais pour l'instant, j'arrive pas encore à m'identifier totalement à ce. Sachant que là, on reste dans l'euphorie, on y croit en fait. On y croit. Parce qu'on on y croit aussi, plus que d'habitude. On pourrait dézinguer Montpellier sur plein d'aspects. Avec Roudon, on se sent plus en sécurité. Après. Tout à fait. On va passer au handball. Même question. Quelle serait pour vous une saison réussie? Alors là, c'est peut-être un peu plus compliqué puisque Montpellier a encore beaucoup à jouer dans deux compétitions et non pas des moindres, le championnat et la Ligue des Champions. Un titre. Est-ce que je peux détourner la question? Est-ce que je peux dire, vous préférez être champion d'Europe ou champion de France? Champion d'Europe. Ah ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de Blue Fox qui diraient champion de France. Ouais. Moi j'aurais dit champion de France. Pour faire la Nika Paris peut-être, mais on la fera en Coupe d'Europe pareil, donc je vois pas le. Franchement, quand on voit le parcours. Enfin, honnêtement, si tu sors le Barça, Flensburg, le Vardar et tu bats, imaginons, dans le rêve le plus fou, Paris en finale. Je préfère 100 fois être champion d'Europe qu'être champion de France. Même, si tu veux, même une cruelle désillusion, comme le fait de perdre le titre à la dernière journée, si on gagne la Coupe d'Europe juste avant, je sais pas, je préfère sacrifier le championnat. Est-ce que c'est par peur de Paris en fait. Plutôt de parce qu'au final, le championnat, ils ont encore beaucoup de championnats à rattraper, Paris. Ouais, ouais. Mais qu'au final, s'ils gagnent la Ligue des Champions, on est un partout. J'avais pas vu ça comme ça, mais ça joue. Ouais. Bah après, il paraît très logique que Paris la gagne cette année, cette Coupe d'Europe. Après, rien n'est moins logique avec la MHB en face. Hein. Si on se qualifie en finale, on est leur bête noire et je pense que. Bah, Paris, ils peuvent tout à fait faire le quadruplé, techniquement. Ils vont jouer la finale de Coupe de France dimanche. Ils ont déjà fait un. Après, ils ont gagné la Coupe de. Ils ont déjà gagné la Coupe de la Ligue. Ils sont à deux. Trophée des champions. Trophée des champions, voilà, ça c'est. Ouais. Ils sont à deux points de Montpellier, tout est encore jouable. En fait, tout peut très rapidement basculer dans les prochains matchs qui arrivent. Donc, moi je pense que pour une saison réussie de Montpellier, c'est un titre sur deux. Si Montpellier est champion de France et qu'on est demi-finaliste et qu'on perd malgré tout face au Vardar, ça serait une bonne saison. Ça serait une très bonne saison. Vardar Macédonienne. Parce que. Champion en titre. Ouais. Champion d'Europe en titre. Je sais plus quel joueur disait. Gérard. C'est Valentin Porte qui a dit qu'il aurait. Lui, c'était le bon tirage. Enfin, il voulait tomber. Hein. C'était par rapport à Flensburg. Vincent Gérard a dit il faut leur rentrer dedans. Ils aiment pas quand on leur rentre dedans. Quand tu joues Nîmes, quand tu joues Paris, les mecs, ils aiment bien quand on leur rentre dedans parce que c'est agressif. Or, le handball allemand, c'est moins le cas. Et est-ce que le hand macédonien. Ils préfèrent, c'est plus orienté justement sur ce côté agressif. Après, avoir le match de Nantes contre le Vardar, parce que Nantes a battu le Vardar en face de poule. Je pense que la vidéo, ça va être étudié. Après, match nul au Vardar et victoire face au Vardar. Après, il faut savoir que le Vardar est beaucoup moins puissant que l'était l'année dernière. Exactement. Tout porte à croire, tout de même, en Coupe d'Europe, malheureusement, que Paris est le favori. L'ultra favori, au moins, sur ce coup-là. Paris favori sur le Final Four parce qu'ils ont dégagé une impressionnante force depuis le début des phases de poule, ça y a rien à dire. Hein. Je veux dire, face au Vardar, je dis pas que c'est du 50-50 parce que le Vardar est tout de même champion d'Europe en titre. Mais on a quand même démontré depuis le début de l'année qu'on pouvait varier de jeu quand... assez facilement. Varier de jeu et varier de système. Ouais. Voilà. On l'a vu contre Flensburg avec une défense en 5-1 qui déstabilise beaucoup de monde. Puis on est aussi très bon physiquement. Je trouve que Montpellier n'a quand même pas la pire équipe physiquement. On sait tenir tête sur la longueur. Ça reste à voir, je pense que le Vardar part avec une petite longueur d'avance, mais l'écart n'est pas si énorme que ça. Puis après, pour revenir aussi sur le... ce qu'on a dit sur le rugby par rapport à savoir si c'est une saison réussie, ne serait-ce que pour les supporters, le supporter montpellierain qui va au Wand, il vibre, ouais. Lui. Mm-hmm. On a battu Paris à l'Arena, on a battu Barcelone, grosse surprise, on bat Flensburg, on va en demi-finale de Coupe d'Europe, on est en tête du championnat, mais là, il n'y a pas de phase finale, c'est-à-dire que si on reste premier, on est champion de France, à tous les matchs, on joue notre place de premier parce que Paris gagnera tout jusqu'à la fin. Oui, le calendrier léger. Donc, oui. Chaque match, le supporter va vibrer. Et ça, même si on ne gagne pas de titre, on se dira Montpellier au handball en 2018, surtout qu'au début de la saison, peut-être on pouvait espérer tenir Paris au classement. Ouais, au début de la saison, on se disait une coupe, c'est bien. Voilà, tu gagnes une Coupe de France, c'est bien, comme l'année dernière. Tu restes Montpellier quand même. Il faut au moins un titre, ça c'est clair. Mais sur une saison, tenir Paris au début de la saison, j'y pensais pas. Peut-être faire un 8ème, sortir des poules de la Ligue des Champions, oui, mais tu prends le Barça. Ouais. J'ai jamais cru une seconde qu'on sortirait le Barça, on l'a fait. Bon, donc à ce moment-là, Montpellier fait quand même une saison remarquable. Remarquable, ouais. Mais s'ils perdent les deux titres, est-ce que c'est une saison ratée, voilà, du coup? On en parlait tout à l'heure, justement. Moi je pense que c'est progressif, hein, c'est-à-dire qu'en début de saison, en effet, on s'était dit, bon, si on gagne une coupe parmi les 4, on sera content. Enfin là, on est au mois de mai. Il y a beaucoup d'événements qui sont passés pour Montpellier, et évidemment maintenant on a encore plus l'eau à la bouche qu'on l'avait au mois de septembre. Ça, c'est évident. Et là on est beaucoup plus exigeant naturellement parce que Montpellier est sur deux fronts, qu'on est en tête du championnat. Alors pour moi, je me contente absolument pas d'une coupe de France ou de coupe de la Ligue. Maintenant, je pense que si on s'en tire avec zéro titre à la fin, ça sera un échec. Oui. Évidemment. À cause de la situation dans laquelle on est. La priorité par rapport à la situation dans laquelle on est, c'est le championnat de France. Ouais. C'est le championnat de France pour moi. C'est-à-dire que si on est champion de France à la fin, ça me paraîtrait logique en l'état des choses si on fait pas de faux pas, quoi qu'on ait un calendrier qui s'annonce difficile. Mais si on est champion de France, pour moi, ça sera une satisfaction. Et si on perd le championnat à la fin et qu'on élimine en demi, ça sera un échec. Je pense que tu peux plus regretter de perdre le top 14, la Lidl Star League, ah oui, clairement, plutôt que la Coupe d'Europe. Ah oui, oui. Parce qu'attends, t'as été à plus 6 à un moment donné. Et tu perds deux fois. T'as grillé deux jokers. Tu grilles tes deux jokers et tu perds contre Nîmes. Et tu perds contre Aix. Non, Nîmes, c'est pas Nîmes, tu gagnes. C'est Aix en Provence, ouais, tu perds contre Aix et. Tu matches nul contre Saint-Raphaël et tu perds contre Paris. Voilà. Mm. Et tu prends une culottée en plus, une déculottée à. Ouais, 7 points d'extérieur. C'était mérité. C'est prévu, on va dire. On rate le match. Et. Moi, je pense que les joueurs. Aurait plus les boules de perdre quand même la Lidl Star League plutôt que la Coupe d'Europe. Surtout que t'es encore plus proche et que t'as plus de chances de la gagner, c'est sûr. Ouais. Allez, on va enchaîner parce qu'on est quand même un petit peu en retard et on va passer à notre première pause musicale. C'est le titre donc Without a Clue et donc l'artiste c'est 1917 Haters. I love my people, I do. Proud. Look at us now, all of what we've been through. but some of us are still. So who are you? We argue over what stars do and they confuses you. You're doing well, but I gotta tell about how folks disguise their lives. Look at their outer shell. They're so mighty and look down at you, but the same source of their light, it is found in you. We're all born and you're gone, no fountain of youth. So while I'm here, I treat my peers like if I was you. Even with I am with, took years of searching within, and then I found my niche. Then have a pot to piss in for real. So this story, I gotta tell. Now how does it feel to have to stretch a $5 bill? You probably now what you know about moving house to house to house, and sleeping on the couch, man. I doubt that I forget. Ups and downs, man. I'm as proud as it gets. The balance, man. Now that's some powerful shit. Now whether with or without, I keep my head high and pay attention to them signs just to stay alive. Taking a red line back seat, chilling if you ask me. Listening to Zach's beats, that's me. If you are, I'ma let you know. Fill them in from beginning to end. The course, go, go. Life is wild, like a child. Question is mind blowing. Asking myself, even with wealth, like, am I growing? I'm feeling without a clue. Finding out just how to move. We all play the fool sometimes, trying to defy the rule. You cool as hell till you fail, then I gotta tell. Somebody help, and that's when you find you're all by yourself. Lost it without a clue. Get a plan, not a brew. When you're down, vulnerable, them traps be surrounding you. Head trigger snap soon as you take a nap. You wasn't ready for that and taking 10 steps back. But still, I ain't without a clue no more. Go on, doing more to get you gone. That's bait to get you fishing on. Dreams, I listen to them. From them, I get in flow. Itching the door, taking most steps forward. We on course to be. Clue, that's how you get lost. It is a cold world. I hear you end up covered in frost. Freezing without reason. People switch like the seasons. That's why when chumps say trust, I don't believe. He must have thought I was without a clue, but really I'm not. Quite aware, thinking past what you consider the top. We took a lot of time watching to expand on our options. Spinning all stop and zooming on the world through my lens. To those without a clue, I'ma let you know. You'll attain your goals as soon as you think so. So yo, life is wild, we're like a child. So I like the style, cause I can find a destination not even close. Destination not even close. Point of view. De retour sur Sport and Chill, c'était donc 1970 Haters avec le titre donc Without a Clue. On va passer tout de suite à notre débat. Sport and Chill, le débat de la semaine. Plusieurs débats donc cette semaine. On va commencer avec le premier. C'est donc les Françaises ont-elles plus de chances que les Français à Roland-Garros? Alors je commence un petit peu, une petite introduction mais très rapide. Deux semaines donc du début de Roland-Garros. Dernièrement donc les Français et Françaises n'ont pas non plus brillé par leur efficacité, hein, on peut pas le nier. Cependant on note tout de même des meilleures performances du côté française ces dernières années, Mladenovic et Garcia notamment. Croyez-vous que pour cette édition donc 2018, le scénario va se répéter? Est-ce qu'une Française ira plus loin qu'un Français à Roland-Garros? Oui. Merci. Allez, passons au football. Non, oui, je pense qu'il n'y a pas vraiment trop de doute. Après, ça reste du sport. Mais sur les saisons qui se déroulent... Par rapport à leur capacité ou par rapport à l'adversité? Je pense que Caroline Garcia peut faire mieux que les Français. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je n'imagine pas Mladenovic aller loin. Cornet peut-être au troisième tour. Cornet, ça dépend aussi de son cas de dopage. Elle est passée devant la commission, je ne sais pas ce que ça a donné. Début juin, non? C'était pas le 1er mai? Peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas vu l'info, mais... Dans quelques jours, elle va savoir. Ouais. Voilà, elle va savoir. A gagné. D'ici deux semaines. Pauline Parmentier a gagné son premier tournoi depuis 10 ans, donc peut-être qu'elle serait un peu mieux en forme. Elle n'avait pas fait une bonne performance dernièrement à Roland? Peut-être troisième tour. Ouais. Après, ça moi j'ai dit Cornet, troisième tour à la limite, ouais. Mais moi, je pense que t'as Garcia qui peut aller en... qui peut aller le plus loin. Mais comme je vous le répète, est-ce que c'est par rapport à sa capacité à aller loin ou à l'adversité notamment? C'est par l'adversité, c'est par rapport à l'extrême aussi. Faut pas tomber contre Drus. On est toujours mauvais. Ouais, ouais, ouais, ouais, non, c'est vrai. Mais c'est par rapport à l'extrême mobilité en fait du classement WTA. Quand on voit un peu les hiérarchies dans le tennis féminin, c'est assez mobile à contrario du tennis masculin. Depuis quelques années, Alep, ouais. Wozniacki, peut-être plus Williams. Elle sera pas la Williams. Svitolina peut-être aussi. En fait, il faut savoir quelles vont être les forces en présence. Est-ce que Vitova, les Tchèques vont être là? Est-ce que les Russes comme Marche vont être là? Mais... Après, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est un a priori que j'ai. Chez les hommes, j'ai l'impression que dès qu'on est passé le troisième tour, forcément, tu vas tomber sur quelqu'un qui va être quand même énorme en face. Enfin, énorme. Il va poser vraiment de la grosse rivalité. Que chez les femmes, j'ai pas l'impression que après le troisième tour, on peut encore tomber peut-être sur des surprises de tournois ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est un a priori que j'ai ou est-ce que c'est possible? Il y a plus de surprises dans les tableaux féminins, c'est de tout temps. Mais après, il y a quand même la loi de l'instant, quoi. C'est-à-dire que les Français en ce moment, les hommes, ils sont inexistants. Et blessé. Mon fils, il revient là, il est allé jouer un tournoi, je sais plus où, au premier tour. Tsonga, il joue pas à Madrid et Rome. Gasquet, il fait un bon tournoi à Monaco. Il a perdu le premier tour à Monte Carlo. Il a perdu le premier tour à Monte Carlo, c'est quand même le désert. Ah non, mais c'est catastrophe. Les 4 mousquetaires, je pense que c'est la fin. Faut se mettre dans la tête maintenant. Les 4 mousquetaires, donc Gilles Simon, Tsonga, Gasquet. Peut-être Richard pour arriver en 8ème. Oui, voilà. Je sais pas, après je connais pas le tableau. Ouais, est-ce que c'est pas les tournois de Chardy au final, hein, quand on attend personne, si Chardy qui tire son Puis tu fais un 8ème, tu tombes contre Nadal, tu fais ton match sur le central. Ouais. Mais Chardy va créer l'exploit contre Marin Cilic au deuxième tour, j'imagine, hein. Et il perd contre Kokkinakis au troisième tour, je sais pas comment il s'appelle. Oui, c'est très probable. Tu vois, après c'est typique français, faire un exploit à un moment donné et perdre contre quelqu'un. Typique français, attention. Et dès qu'on est favori, la claque. Oui. Ouais. Du coup, vous voyez. Des claques à la bento, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est surtout le fait qu'il y a peu de français peut-être cette année. Encore moins de chance que d'habitude. Après, on avait l'habitude de voir Tsonga généralement. On sait, on nous sent méchants avec Tsonga, mais généralement, il fait quand même deuxième semaine. Ouais, même si l'année dernière, il s'est troué. On a gagné la Coupe Davis et depuis, c'est le néant. Bah, il faudra voir Lucas Pouille, mais bon, Lucas Pouille, c'est pas sa surface. Ouais, Lucas Pouille gagne Marseille et Montpellier, et puis voilà. Pouille aime bien quand même la terre battue. Est-ce que c'est sa surface de prédilection? Peut-être pas, mais je crois qu'il est. Ouais, en tout cas, dans tous les cas, il est pas en forme, ça c'est sûr. Pas sur deux semaines. Mais je pense pas que ce soit. C'est pas non plus son. Non, je pense que le dur est sa surface préférée. Ouais. Mais c'est pas un problème pour lui de jouer sur dur. Et pour, je et, pense. Et pour revenir chez les femmes, pardon, est-ce que vous voyez donc Caroline Garcia, mais peut-être d'autres personnes. Mladenovic, vous la voyez pas du tout. Non, oui, peut-être Mladenovic. Franchement, ce sont les deux seuls qu'on voit vraiment peut-être faire quelque chose, mais. Mladenovic soit transcendé par l'enjeu qu'est Roland Garros. Voilà. Et puis elle va commencer à. Comment dire, à se poser des questions parce que. Qu'elle doit défendre des points, non? Elle doit défendre des points, Roland Garros. Ah bon. Elle pourra tout rattraper en deuxième partie de saison avec tout ce qu'elle a perdu. Elle a zéro point en deuxième partie de saison. Mais je pense qu'il y a aussi un fait pour Garcia qui peut être bien, c'est qu'elle revient bien en forme. En début de saison, elle n'arrivait pas à battre les joueuses mieux classées qu'elle. Elle a perdu deux fois sur Muguruza dans les deux grands tournois, je crois que c'était Indian Wells, c'est Miami ou même Dubaï. Des grands tournois féminins. Elle a battu Sharapova à Stuttgart, elle a battu Svitolina à Stuttgart dans des matchs accrochés, sur terre donc. C'est positif. Ouais. Ouais. Elle sera tête de série peut-être dans les 8 meilleurs, donc c'est assez protégée. Sûrement, chance même dans les 8 française, meilleurs. C'est la tableau chance française. Masculin et féminin confondu. Ouais. D'accord. Donc on est tous d'accord pour dire que techniquement, Caroline Garcia en tête pourrait aller plus loin que les Français. Bah, elle pourrait atteindre les demi potentiellement, pourquoi pas. L'an dernier, elle a fait quoi? Elle a fait quart de finale? Je sais plus. Huitième peut-être. C'est Mladenovic qui allait loin l'année dernière. Bah, elle a fait un quart de finale déjà, je crois, Caro Garcia. Je sais pas si c'était je pense pas que c'est l'année dernière. Après, évidemment. On n'est pas à l'abri d'un exploit français, de l'arrivée si un malentendu, quelqu'un qui se blesse ou parce que on sait tous que Nadal va gagner, Nadal va en tout cas exploser la saison sur terre battue, je pense. Djokovic, c'est peut-être aussi le moment des Français pour performer. C'est ça. Parce que Djokovic est pas en forme. Quart de finale pour Garcia face à Pliskova. Face à Pliskova. Ils sont un paquet à pas être en forme. Dimitrov est pas au top de sa forme non plus. T'as Zverev peut-être qui est un peu bien. Il y a Nishikori qui revient là, il a fait un bon tournoi. Ouais, il a fait un bon tournoi à Monte Carlo. Team n'est pas là. Team c'est le rival numéro 1 à Nadal, je pense, sur tour. Sur terre en ce moment. Et encore l'an dernier, on a qu'il a fait il y a pas longtemps. Il a battu il y a pas longtemps, Team. Team a battu Rafa ? Non, l'inverse. Il a sec. Oui. En finale, en quart, je crois. Ouais, ouais. On va passer parce que sinon on n'aura pas le temps. Surtout qu'on est tous d'accord sur ce premier débat. On passe au deuxième. C'est sur du football et notamment sur la Ligue 1 et la Ligue 2 aussi. Il y a eu un appel d'offres donc pour les droits télé de la Ligue 1 et Ligue 2 et qui a été lancé pour les nouveaux. Il y a des nouveaux créneaux de matchs qui ont été dévoilés. Ça sera sûrement effectif jusqu'en 2020 à 2024. Ce qui fait donc, écoutez bien, vendredi 21h, un match de Ligue 1. Donc plus de match de Ligue 2 le vendredi. Samedi, donc, un match de Ligue 2 à 15h, un match de Ligue 1 à 17h, 8 matchs de Ligue 2 à 19h, et un match de Ligue 1 à 21h. Dimanche, match de Ligue 1 à 13h, sûrement pour le marché chinois. 4 matchs de Ligue 1 à 15h, un match de Ligue 1 à 17h et le traditionnel match de Ligue 1 à 21h. C'est... Et enfin, lundi, le dernier match de Ligue 2 qui ne change pas à 20h45. Est-ce que donc le problème, c'est surtout qu'il y a des amateurs qui jouent notamment souvent l'après-midi, le dimanche après-midi à 15h, et sachant que c'est là où il y a le multiplex Ligue 1, c'est problématique. Que pensez-vous donc de cette nouvelle programmation ? Le souci, c'est que si c'est tourné vers le marché asiatique, il y a des risques. C'est surtout un match qui est tourné vers le marché asiatique, c'est dimanche 13h. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est que ça risque de bouleverser pas mal de choses. Moi, je vais parler rapidement de... du club que j'aime bien, mais c'est que l'an dernier, par exemple, pour la première fois, on a eu un derby milanais à 12h30 pour le marché asiatique. Alors, évidemment, c'était le prime time là-bas, donc il y a des chances que les gros matchs de Ligue 1 de 2020 à 2024 aient lieu à 13h. Franchement, si c'est pour un prime time chinois ou japonais... On est prêt à parier que ce sera la moitié, ce sera Paris Saint-Germain. Qui sera de 13h, ouais. Oui, à 13h. Je pense qu'un PSGOM restera le dimanche à 21h pour la suite. Je sais pas. C'est un Lyon-Nantes, peut-être qu'à ce moment-là. Vous savez, on a bien fait un Barça-Real à 13h ou à 12h30 cette année. Ouais, mais c'est après de nombreuses années. C'est après de nombreuses années de diffusion à 13h. Nous, on commence, on peut-être pas de suite, non ? Moi, je sais pas. C'est surtout un enjeu économique, tout ça. Oui, mais clairement, bien sûr. C'est pour l'audience et c'est pour le merchandising. La Ligue 1 pèse 750 millions d'euros ou de dollars, je sais plus. Et. Ce qu'ils aimeraient, la Ligue 1, donc c'est la LFP, la Ligue de football professionnel, aimerait que les droits TV rapportent 1 milliard pour la Ligue 1 et la Ligue 2 confondues. Donc, justement, il y a cette idée de séduire le marché asiatique, parce que cette année, il y a eu un Paris-Nice qui a attiré 1,6 million de téléspectateurs chinois, donc du coup, ça fait carton, et du coup, l'idée c'est. Oui, de plus. Attirer le marché asiatique pour injecter de l'argent, c'est sûr. Et maintenant, on va être aussi question de droit TV. Je pense qu'on aura une dualité entre Canal+ et beIN Sports, parce que Altis, donc le groupe SFR mené par Drahi, donc qui est le principal actionnaire, mais l'autre c'est Alain Veil, voilà. Oui, c'est ça. Qui a dit que eux, ils ne s'en soucieraient pas. Ils ont déjà la Ligue des Champions et la Première Ligue. Ils n'ont pas les financements. Ils préfèrent combler la dette plutôt que d'investir à nouveau dans la Ligue 1. Donc on aura un nouveau Canal+ et beIN Sports, et moi j'ai peur que les enchères n'arrivent pas à 1 milliard cette année. Et surtout vu la saison proposée, niveau suspense, on a connu mieux. Oui. Première place, évidemment. Oui. Ah, après, c'est une belle saison. Une belle saison, voilà. Ce qui passionne les gens, c'est quand même le titre. Par rapport à l'année dernière. Oui, c'est vrai. Peut-être parler du football amateur. Oui, moi j'ai... Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur de ça, mais on en a parlé juste avant l'émission. T'avais une idée plutôt intéressante sur ça. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, les matchs, la programmation des journées est connue environ le vendredi, 3 semaines, voire même 1 mois des fois, avant la journée dite, donnée. Je pense que c'est quand même possible au niveau des districts, pour un match le week-end du 15 mai, de prévoir et d'envoyer un message à tous les clubs. Voilà, l'équipe locale joue le dimanche à 15h. Jouons nos matchs amateurs à 11h. Si on joue le dimanche à 13h, si l'équipe locale joue le match dimanche de 13h, jouons soit le samedi, si c'est possible, mais c'est plutôt les jeunes qui jouent le samedi, soit jouons à 17h. Je pense que c'est possible de trouver une solution, en tout cas. Il n'y a pas... Il y a pas un clivage, oui, on tape sur le football amateur, c'est toujours pour l'argent, pour les pros. Je pense que c'est possible de trouver une solution intelligente. Surtout que ça joue un match sur deux déjà, et puis bon, après les clubs ne jouent pas toujours à la même heure au final. Voilà, il y aura des matchs décalés. Donc il y aura des matchs le samedi aussi. Voilà. Donc peut-être ça interviendra pour certains clubs. Allez, sur 38 journées, déjà la moitié c'est à domicile, donc 19. C'est ça. Donc allez, on va dire la moitié, 10 par exemple. Il y aura peut-être 10 dates à décaler. Est-ce que ça, c'est trop peut-être selon vous? C'est une solution déjà. Mais moi je pense que déjà les joueurs vont manifester leur colère incessamment sous peu si jamais ces matchs sont le dimanche, parce que le dimanche c'est le jour en famille. C'est le jour machin, c'est le jour truc. Donc je pense qu'il y aura déjà un conflit interne parce que les joueurs, je pense qu'ils sont pas satisfaits de jouer un dimanche. Je pense. Ah bon? Moi je sais pas. Ça se passe comment pour les... Tu le sais en Italie, Yacine? En Italie c'est exactement le même programme. Voilà, c'est ce que j'allais dire pour le dimanche en fait. C'est calqué sur le programme italien, à savoir qu'il y a un match à 12h30-13h et puis après 4 ou 5 à 15h, un à 17h-18h et le dernier à 20h45. Ouais, mais pour les pros, oui, mais pour les amateurs, tu sais comment pour ça les amateurs, passe, je crois que c'est assez étalé du vendredi au dimanche. Voilà, c'est dommageable. Parce c'est que possible de trouver une solution. Ouais. C'est dommageable d'empiétrer quand même sur le football amateur. Moi je fais du rugby, je joue le dimanche, je joue tous les dimanches. Au moins, je peux voir tous les matchs de samedi. Du coup, ça fait que voilà, bah, au moins tu peux assister au rugby pro et en même temps jouer toi de ton côté en amateur. Alors, là, si tu joues le dimanche, bah, tu peux, bah, comme tu veux, ça te prend en général la journée pour faire un match de foot. Tu peux moins suivre. Et je pense que ça, moi, je pense, j'espère que ça. Ça maintenant, il y a deux joueurs de rugby de top 14 le dimanche. Oui, le midi à midi et demi et 16h30. 16h50, voilà. Ouais. Donc, moi, je suis pas un grand partisan des matchs du dimanche. Mais. Pour ceux qui ne pratiquent pas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, en tout cas, oui, voilà, nous, parce que c'est voilà, nous on n'est pas dans un club, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. C'est vrai que pour le football amateur, c'est plus problématique. Ça parle pour caler, je pense, le dimanche. T'as rien à faire, je te mets devant un match de foot, je pense c'est intéressant, c'est sûr. Alors que le samedi, c'est... Non, le... mais elle est en famille, les stades, justement. Je pense que ça peut être intéressant aussi, en famille. Est-ce que alors, je sais pas si c'est encore un a priori que j'ai, mais est-ce que le fait de mettre plus de matchs la journée, c'est pour éviter de l'insécurité? Ou pas du tout? Non. Parce que là, il y a beaucoup de matchs à 20h. Oui. Les gens, peut-être l'insécurité ou même le fait qu'il y a des gens qui viennent pas parce que c'est plus tard ou quoi que ce soit, et que là on joue l'après-midi, déjà c'est peut-être plus facile pour les familles de venir. Peut-être. Je sais pas. Côté ambiance familiale et parce que quand même, facilité ça fait de venir avec les enfants, oui, c'est sûr que. Ça fait plus familial d'être là sous le soleil ou quoi que ce soit en pleine journée. Très intéressant. On a perdu, mais c'était bien. Oui. Après, oui. C'était bien. Après, ouais. 3-1, mais c'était bien. Je pense qu'il y a le côté famille, puis après il y a aussi la question, comme je le disais tout à l'heure, il y a le décalage horaire aussi qui est aussi calculé en fonction de ça, quoi. Ouais. Alors, pour jouer à 15h, si tu veux avoir un gros match aussi en Asie, et si tu sais que certains investisseurs chinois ou certaines chaînes télé chinoises par exemple veulent investir un pactole sur la Ligue 1, bah évidemment le gros match tu vas le décaler à 13h et puis tu vas peut-être passer outre le côté familial, quoi. Ouais, c'est vrai, t'obéis aux lois du marché. Bien sûr. Après, c'est la loi du foot. Après, c'est vrai que enfin, juste pour terminer, avant que je te donne la parole, Guillaume, c'est que le match pour moi du dimanche 17h, c'est vrai que ça, c'est beaucoup plus côté familial, t'es dans le soleil, etc. Voilà, je pense que c'est beaucoup mieux, quoi. Bah, tu préfères regarder un match le samedi soir à 21h ou le dimanche à 17h? Moi, je préfère dimanche à 17h. Déjà, ne serait-ce qu'y aller au soleil, c'est plus agréable. Je préfère dimanche à 17h, oui. Ouais, Guillaume, pour terminer. Oui, une dernière chose, on évite le match le lundi en Ligue 1, ça c'est quand même très bien. Oui. Je supporte pas les matchs le lundi. Ouais, attendre tout le week-end, voir les autres jouer et ton équipe attendre. Non, moi aussi, je trouve ça, c'est honteux, notamment en première Ligue. Et une chose pour la Ligue 2 aussi, c'est bien, tu vas être content, Flo. Ouais. Plus de matchs le vendredi, tu pourras regarder Koh-Lanta. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est important. Pour leur excellence. Pour leur excellence, surtout qu'ils resteront en Ligue 2. On pourra se poser le samedi après. Peut-être que tu ne seras plus en Ligue 2 en 2020. Ah non, on sera en Ligue 1. Bon, allez, on passe à notre troisième débat et on va faire un petit jingle. Sport and Chill, le débat de la semaine. Quelle voix douce de Tom tout de même sur ces jingles. On nous passe accompagne à notre, à chaque fois dans on le débat. On passe à notre troisième débat, c'est le cyclisme. Le Giro vient de commencer et d'ailleurs on va parler de lui. Dumoulin a gagné la première étape, le contre-la-montre. Prologue. Est-ce que c'est une surprise? Je ne sais pas. Surtout pour un contre-la-montre, un prologue. Dumoulin, et donc bien Tom, hein, on en parlait, et pas Samuel Dumoulin. Est-ce que bon, il est taillé pour gagner un jour le Tour de France? L'année dernière, il était bon, au Giro, il était ultra favori. Il était favori, il a gagné. Le papillon de Maastricht, comme on l'appelle, s'est imposé l'année dernière. Donc à 27 ans, il a encore tout de même quelques beaux jours devant lui encore. Il a déjà gagné une étape sur chaque tour, notamment le Tour de France en 2016 où il en a gagné deux étapes. Ouais. Mais le Tour de France n'est pas sa tasse de thé puisqu'il fait des mauvais résultats en 2013-2014 et puis en 2015-2016 il abandonne. Du coup, il s'est concentré sur le Giro où ça va plutôt bien pour lui. Est-ce que, enfin, c'est devenu un coureur très complet maintenant tout de même. Il l'a prouvé l'année dernière sur le Giro. Est-ce qu'il est capable de revenir au Tour de France, qui est quand même la compétition sans chauvinisme majeur du cyclisme? Est-ce qu'il a les capacités surtout d'aller le gagner? Je pense que c'est un peu trop tôt pour le dire, parce que, comme tu l'as dit, sur chaque fois sur le Tour de France qu'il a fait, il a brillé en 2014 où il gagne deux étapes. 2016, il gagne deux étapes. Ah, en 2016 ouais. Il a gagné le Giro l'an dernier, mais on en discutait aussi tout à l'heure avec Guillaume. Beaucoup de coureurs gagnent le Giro alors qu'ils sont pas vraiment attendus à ce niveau-là. On pense à Ryder Hegdal, j'en ai pas en tête, mais si on cherchait un petit peu, à mon avis, on aura quelques surprises. Le Tour de France, en général, tous les coureurs se préparent pour cette épreuve. Et je pense qu'aujourd'hui, Dumoulin a meilleur que lui en face. Ça va être un réel test pour lui de se mesurer à Froome, à Roux, à Pozzo Vivo, pourquoi pas, ou même à Thibaut Pinot, qui sont des purs grimpeurs. Donc moi j'attends de voir Dumoulin, qui a pour l'instant répondu présent sur ce premier prologue, et j'attends de voir moi sur les premières étapes de montagne, pardon, pour voir où est-ce qu'il en est. Et pour moi c'est un peu trop tôt pour donner un avis sur le Tour de France à l'avenir. Il y a combien d'étapes de montagne cette année au Tour de France? Tour de France, il y en a moins, parce qu'ils ont essayé d'équilibrer avec les pavés, avec des étapes de moyenne montagne. Voilà. Peu d'arrivée au sommet. Après, on parle du Tour de France cette année, mais il ne sera pas sur le Tour de France, je pense. Voilà, et tu dis justement, il n'y a pas de pavés, il n'y a pas de difficultés, etc. Le Tour de France, ça qui fait rêver, c'est que tu as énormément de dangers. Tu as énormément de dangers dans les épreuves du Tour de France. Là où en cyclisme, tu as beaucoup moins ces dangers-là, où ça grimpe bien plus que sur le Tour de France, et ça plaît en général plus aux grimpeurs, aux purs grimpeurs. Dumoulin est un rouleur et un grimpeur. Pas sûr que si tu mets sur des pavés, pas sûr qu'ils tiennent la route. Donc à voir. Bah, Froome ne tient pas la route sur les pavés, pourtant. Ouais. Bon, l'année des pavés, il abandonnait après. Il pleuvait, il est tombé au bout de 4 km sur les pavés, je crois. C'est l'année Nibali. L'année Nibali en 2014, où il écrase. Les derniers vainqueurs du Giro, ça démontre tout de même le fait que le Giro est devenu quand même une course importante. Tom Dumoulin, Vincenzo Nibali, Alberto Contador, Quintana, encore Nibali, Ryder Hegdal, on l'a pas parlé, c'est un petit peu moyen. Le regretté Michael Scarponi, avant Yves Basso, Menchov, Contador, encore Basso, Di Luca. Jamais tu verras Di Luca, jamais tu verras Menchov, jamais tu verras aussi qui t'a dit Scarponi. Jamais tu verras ce type de coureur s'imposer sur le Tour de France, tu vois. En fait, c'est le temps de récupération entre les deux tours, entre le Giro d'Italie et le Tour de France, qui est difficile à. Ah mais ça, tu peux pas enchaîner Tour de France et Giro. Ça semble possible de faire Tour de France et Vuelta. Oui, bah la preuve, Froome l'a fait. Froome l'a fait, ouais. Voilà. Fait, mission. Ouais, voilà. Après, voilà. Est-ce que Froome va le faire le doublé là, Giro Tour de France? Cette année, il y aura une semaine de plus entre le Giro et le Tour de France. C'est décalé pour la Coupe du Monde. Le Giro est un peu plus éprouvant que la Vuelta encore. Ah ouais, carrément. La Vuelta, c'est. Bah la Vuelta, c'est bien Horner qui a gagné. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Donc là cette année, c'est fin de saison, il y avait 42 ans. C'est plus le débat. Non mais en plus cette année, je crois que oui, pour le Giro, il y a encore plus d'étapes de montagne que l'an dernier, donc ça va encore s'annoncer plus difficile. Donc pour vous, Dumoulin, c'est un cycliste pour le Giro, seulement. Bah j'ai du mal à le voir pour le Tour de France pour le moment. Mais on l'a jamais vu affûté sur le Tour de France comme il va être affûté sur le Giro. Ça a jamais été vraiment son objectif de la saison. Parce que pour moi, le Giro et le Tour de France, comme je disais, c'est deux épreuves différentes. Puis en plus, le Tour de France, il y a des à côté. Le Tour de France, c'est les médias, T'as un engouement médiatique. C'est climatique. Tu as toujours plus sur le Giro, mais voilà. Il fait chaud aussi. Ouais. Il fait chaud, je pense pas que Tom Dumoulin est un coureur qui aime la chaleur. Comme Pinot. Parce qu'on a vu que l'année dernière, il était malade. il a des problèmes en course. C'est vrai. Ouais. Et aussi une chose, l'année dernière, j'ai regardé le parcours du Giro l'année dernière, 70 km de contre-la-montre, assez avantagé quand même, il en gagne un, il finit 15 secondes derrière le chrono final. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, il n'y avait pas de col ultra dur comme cette année. Cette année, il y a le Montezon Colan, c'est 10 km à plus de 12-13% de moyenne. J'ai envie de voir la carcasse de Dumoulin. Ouais, la carcasse. Parce que là, c'est pur grimpeur. Voilà, c'est pur grimpeur. Si t'as un Thibaut Pinot qui décolle, un Froome, s'il est encore là. Oui. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Ça se joue peut-être pour vous sur les contre-la-montre. C'est-à-dire peut-être, imaginons, un Tour de France, il y aurait plus de contre-la-montre que d'habitude. Là, ce serait plus jouable pour lui. C'est-à-dire qu'en plus, Christian Prudhomme essaie de faire des parcours un peu plus variés, avec moins de contre-la-montre, comme à l'époque, 65 km. Ouais. Ça, c'est fini. Et je pense ça. Que c'est aussi pour avantager les Français. Moi aussi. Ça, c'est. Ah, il faut pas le dire. Je pense que c'est. Ouais, voilà, faut pas le dire, voilà. Tu as bien dit. Mais est-ce que vous pensez même qu'on peut lui attribuer le rôle d'outsider ? Sur Tour de France. Tour. Parce que franchement. Oui. Ouais. Oui, quand même. Comme tu pouvais mettre le Danois qui a gagné l'Amstel. Fuglsang. Non, pas Fuglsang, justement son coéquipier à Astana. Valgren. Valgren. Tu peux faire partie de ces mecs qui sont les outsiders dans une compétition. Si ça ne sont pas les favoris, mais ils peuvent avoir leur carte à jouer s'il y a des marquages, si puis d'un coup, s'il joue bien son coup. Là, tu l'as bien dit, le Giro l'an dernier, ça monte moins raide que cette année. Et pour moi, Dumoulin est un bon grimpeur, mais n'est pas un pur grimpeur. Là voilà. Où Froome en est un pur, là où Pinot, si tout va bien, Inch'Allah, est en forme aussi, Pozzo Vivo, etc., qui sont des purs grimpeurs. Quintana, quand il a gagné le Giro, pareil. Je pense aussi, vous oubliez, vous parlez beaucoup de Pozzo Vivo, mais vous oubliez Chavez, qui je pense que. Esteban Chavez, c'est pareil, c'est un grimpeur de poche, tu vois. Chavez ou. Simon Yates. Simon Yates. Qui roule bien aussi. Mentiès. On parlait justement des contre-la-montre. Après l'année dernière, alors c'est sur le Giro, je me rappelle tout de même qu'on voyait Dumoulin craquer des semaines et des semaines. J'allais le dire. Se dit face à Nibali, il va le bouffer. Au final, c'est lui qui... un beau Giro, ça c'est sûr. À noter que l'an dernier, Dumoulin gagne sur le fil parce que c'est Quintana qui est premier au classement, et sur le dernier contre-la-montre, c'est Dumoulin qui rafle tout et qui du coup gagne le Giro. Après, il perd même son maillot, et c'est Quintana qui est premier, c'est ça. Mais c'est ça. Il tient bien quand même dans les montagnes, plus qu'on ne le pensait. Voilà, oui. Tout à fait. Même moi, j'étais surpris. Comme vous l'avez dit, je pense que s'il y a un Tour de France avec un peu plus de contre-la-montre, et je pense qu'il pourrait. Ouais, voilà. Il a donné contre-la-montre, il a donné du temps, l'effort individuel peut être important. D'accord, très bien. On va passer à notre deuxième pause musicale avant de faire notre dernier débat tout à l'heure. Donc c'est Notorious Big et c'est le titre Back to Cali. Your hat can't fit ya. Either I'm with ya or against ya. Format bent ya. Back through that maze I sent ya. Talking to the rap inventor. Nigga with the game tight fifth. That flame rock. Spell my name right. Me-I-double-G-I-E. Iced out, lights out. Me and Caesar Leo. Getting hand for some chick he know. See, it's all about the cheddar. Nobody do it better. Going back to Cali strictly for the weather. Women and the weed. Sticky green. No seeds, bitch, please. Papa ain't soft. Dead up in the hood. Ain't no love lost. Got me mixed up. You drunk them licks up. Mad cause I got my dick sucked. And my balls licked. Forfeit, the game is mine. I'ma spell my name one more time. Check it. It's the N-O-T-O-R-I-O-U-S. You just lay down slow. Recognize a real dawn when you see one. Sipping on booze in the house of blues. I'm going back, back to Cali, Cali. Uh-huh. I'm going back, back to Cali, Cali. Back to Cali, Cali, Cali. If I got to choose the coast, I got to choose the east. I live out there, so don't go there. But that don't mean a nigga can't rest in the west. See some nice breasts in the west. Smoke some nice cess in the west. Y'all niggas is domestic and I'm gon' stop giving LA props. All I got is beef with those that violate me. I shall annihilate thee. Case closed, suitcase filled with clothes, linens and things, I begin things. People start to flash, 818s, 213s, 313s, B-I-G, frequently floss holes at Roscoe's. If I wanna squirt her, take her to Fat Burger. Spend about a week on Venice Beach, sipping Cristo with some freaks from Frisco. Ain't going back now to Cali. Scream Biggie, Biggie, give me one more chance. I'll be whipping on the freeway, the NYC way. On the Sally Sally with my homeboy Lance. Pass ass from left to right. Only got 5 blunts left to light. I'm set tonight. Met a bitch at the Versace store. Said she suck it till I ain't got no more. Only in LA. Bust on bitches ballet. Rub it in their tummy. Lick it, say it's yummy. Then fuck your man. What's your plan? Is it to rock the tri-state? Almost gold, 5G's a show date. Do you wanna see about 7 digits? Fuck hoes exquisite. Cali, great place to visit. I'm going back, back to Cali, Cali. I'm going back, back to Cali, Cali. De retour sur Sport and Chill, c'était Notorious B.I.G. avec le titre Back to Cali, c'était un remix. On passe tout de suite à notre dernier débat jingle. Sport and Chill, le débat de la semaine. Est-ce que ça sera le débat le plus clivant? On verra, c'est sur du football et c'est sur Andrés Iniesta qui a pris sa retraite cette semaine. Est-ce qu'il méritait le ballon d'or selon vous? Donc à 2 reprises, Andrés Iniesta aurait pu s'octroyer le ballon d'or au cours de sa carrière, d'abord de la façon la plus évidente, pour certains peut-être en 2010, et ensuite en 2012 peut-être, s'il a encore la possibilité de remporter la récompense individuelle, étant donné qu'il évolue toujours au plus haut niveau, bon plus maintenant. S'il y a une date qui reste associée à Iniesta, c'est la date du 11 juillet 2010, évidemment. Ce soir-là, donc, au Soccer City de Johannesburg, où il marque le but le plus important de son pays, donc en finale face aux Pays-Bas de Coupe du Monde. En prolongation. Ouais. Et il y a Zidane qui a dit il y a une semaine après sa retraite donc, de Iniesta, ce que je veux dire fera peut-être les titres demain. Je pense qu'il a surtout mérité un ballon d'or quand il a gagné son mondial. Il avait fait une année exceptionnelle, il termine avec le mondial en gagnant et en marquant, donc forcément, là, il l'aurait mérité. On a l'impression qu'en 2010, au final, Lionel Messi n'était tout à fait peut-être même pas légitime d'avoir d'être deuxième. C'est une certitude. Alors, est-ce que... Est-ce que pour au mérite, tu m'Iniesta. Vas-y. Est-ce que pour vous, du coup, Iniesta méritait le ballon d'or? Tout simplement. 2010, je suis un peu partagé. Ah ouais, tu parles de 2010 ou tu parles de manière générale? De manière générale. De manière générale, par rapport à l'adversité et tout, faut être pragmatique aussi. J'adore ce joueur, c'est un mec qui a apporté à fond au Barça, à l'Espagne, etc. C'est un génie du foot. Malheureusement, comme tu l'as dit tout à l'heure, Yacine, t'as tellement de joueurs qui méritaient, qui ont été énormes pendant ces périodes-là. Sauf que t'as deux joueurs, t'as Messi et Ronaldo, qui pendant plus de 10 ans dominent le football professionnel au niveau individuel. Que si le ballon d'or, et c'est souvent le cas, tu t'en réfères aux qualités individuelles du personnage. Parce que pour moi, Ribéry mérite le ballon d'or à ce moment-là, en 2013. Sauf que si tu prends sur les qualités individuelles, pour moi, Messi et Ronaldo sont au-dessus de tout le monde. Après, au niveau du palmarès, évidemment, moi j'aurais mis Iniesta. Évidemment. Non. Et même au-delà de son palmarès, c'est quand même un footballeur remarquable. En 2010, j'aurais mis quelqu'un d'autre. Aussi Schneider. Schneider. Ouais, Schneider qui aurait dû. Tripler plus finale de Coupe du Monde. Qui a fait une belle saison avec Nice d'ailleurs. Le souci du débat du Ballon d'Or, c'est que justement, l'année où Schneider n'est pas Ballon d'Or, ça correspond à l'année de la fusion du Ballon d'Or avec FIFA. Et pour le coup, les règles d'attribution avaient changé. Autant c'était un collège de journalistes qui votait uniquement pour, en fonction de 3 critères principalement, c'était le palmarès, la contribution du joueur à l'équipe et son talent individuel. Donc ça, c'était avant que la FIFA s'y associe. Oui, exactement. Même si depuis, je crois, l'an dernier, désormais, on est revenu au seul France Football désormais qui vote. D'accord. Donc on verra ce qui va se passer cette année, mais toujours est-il que pendant 6-7 ans, FIFA et le Ballon d'Or ont fusionné. Et FIFA, donc c'était un collège de capitaines de sélection, d'entraîneurs de sélection, et je crois aussi des journalistes. Et les règles avaient changé. C'était officiellement, je crois, le meilleur joueur du monde, ou en tout cas celui qui était le plus spectaculaire. Donc entendre parler à celui qui avait marqué le plus de buts ou gagné le plus de trophées qui le gagnait. Donc évidemment à ce jeu c'était Messi et Ronaldo. Voilà. Donc moi je pense que pour Iniesta, oui, il aurait mérité certainement, mais comme tant d'autres joueurs, comme tu l'as dit aussi Paul, c'est que si on fait juste un catalogue de joueurs qui l'ont raté, on pourrait en dresser une bonne vingtaine, quoi. Parce que c'est qui juste avant Messi? C'est Kaka en 2006. C'est en 2007, c'est Kaka qui gagne le dernier ballon. C'est pas 2006 Kaka? 2007. Cannavaro, c'est 2006. Ouais. Cannavaro, tout à fait. Et voilà, bon, je veux dire, oui, Iniesta, oui, c'est un seigneur, plus beau palmarès du sport. il rigole de tes bêtises, Yacine. Ah. Non, parce que je pense au quiz de tout à l'heure, c'est pour ça. Ah, d'accord, il pense au quiz spécial Ballon d'Or. Non, vous inquiétez pas, on parle pas de Cannavaro ni de Kaka, pas de problème. Non, parce que sinon en 2005, c'est un autre. Je veux dire, c'est un seigneur, mais quand on voit que, j'appelle ça l'ère Ronaldo Messi, mais dans l'ère Ronaldo Messi, quand on voit qu'un mec comme Ribéry, il pouvait pas faire meilleure saison qu'il a faite en 2013, et au final, il finit troisième. C'est vrai que c'est un peu rageant. Donc, dans toute cette temporalité-là, où Iniesta, évidemment, l'aurait mérité peut-être même à deux reprises, au final, il finit troisième, je crois, son meilleur classement. Non, deuxième en 2010. Deuxième, bon, voilà. Alors qu'il est champion du monde, et qu'en plus, pour moi, en 2010, comme me disait Dimitri, c'est Schneider qui aurait dû l'avoir. Et Schneider n'est même pas troisième, c'est Xavi. Il n'est même pas troisième, Schneider, tu vois. Mm. Et pour moi, voilà, l'année où Iniesta aurait pu l'être, c'était en 2012. Parce que pour le coup, Des années 2000, on va dire, peut-être, ou un petit peu plus. 2010, pardon. L'ère, comme tu dis, Ronaldo Messi, est-ce que c'est peut-être pas le premier des joueurs qui ne l'a pas eu à le mériter en termes d'injustice? Ouais. C'est possible. C'est l'archétype du football, enfin pour moi, du mec qui a incarné sa génération, à savoir une Espagne triomphante et un Barça triomphant. Et à un moment donné, il a incarné à lui seul, il a connu tous les trophées qu'a gagné l'Espagne. Il a été protagoniste. Il a le plus beau palmarès du sport espagnol, enfin du foot espagnol, pardon. Et il incarne tout ce qu'a été le football en termes de victoires depuis 10 ans, à savoir l'Espagne. C'est-à-dire qu'il a gagné. Quelque part, hormis l'Allemagne évidemment, mais je veux dire, on sait très bien que l'Espagne, champion d'Europe et du monde, il y a beaucoup de joueurs du Real et du Barça, mais c'est principalement la touche Guardiola qui gagne, et Iniesta c'était le représentant du football de Guardiola. Donc c'était peut-être le plus légitime, même devant Xavi, à être Ballon d'Or, et en plus il met le but vainqueur en finale de Coupe du Monde. Si même lui ne l'a pas, ouais, quelque part il faut se faire une raison espérer peut-être que les choses changent, ou attendre peut-être que les deux monstres prennent leur retraite, quoi. Voilà. C'est la même justice que 2006 pour Gigi Buffon. C'était Cannavaro qui l'avait eu à ce moment. Après, je sais pas si c'était une injustice, parce que est-ce qu'on peut donner un ballon d'or à quelqu'un qui n'a jamais gagné la Coupe du Monde, la Ligue des Champions? Vu que tu donnes le trophée sur la saison, je pense pas. Je pense que parce que c'est un gage d'avoir un ballon d'or. Cannavaro l'avait pas gagné en 2006 la Ligue des Champions, mais pourtant. Je pense que Buffon, en fait, il paye le fait que la Juve soit dans un scandale de match truqué. Possiblement. Il joue quand même 6 mois de l'année. Mais du coup, je vais revenir sur ça. On peut pas parler de la Juve, on va rester sur Iniesta. Mais justement, c'est cette Ligue des Champions, est-ce que c'est un gage nécessaire pour avoir le Ballon d'Or? Lui, il aurait peut-être pu l'avoir plusieurs fois, étant donné qu'il a gagné plusieurs fois. À ceci, France Football l'a dit, ils ont fait un petit édito assez sympa. Le palmarès ne compte pas du tout. Je sais pas si vous l'avez vu, mais je crois que c'était le rédacteur en chef de France Football qui a mis un petit édito assez sympa. Attention d'Iniesta, quand il a annoncé son départ du Barça, il lui a dit promis, si tu gagnes la Coupe du Monde cette année, il y aura peut-être la récompense au bout. Non, mais cette année, faut pas exagérer non plus. Moi, j'y crois pas. Après, peut-on rêver s'il fait une Coupe du Monde monstrueuse et qu'il est champion d'Espagne, ce qui est déjà le cas avec le Barça? Est-ce que France Football, comme ce sont les seuls journalistes qui votent, ferait peut-être une entorse au règlement et il lui donnerait le ballon d'or? C'est ballon d'or d'honneur à la limite, mais pas sportif. C'est champion du monde et qu'il est protagoniste. Du coup, t'as rupture avec ce que tu faisais jusqu'à maintenant. Ça serait quand même dingue de donner un ballon d'or là où il le mérite peut-être le moins. Tout à fait. Sa carrière, et alors qu'au top du top, il ne l'a pas eu. Après, même si cette année, Ronaldo et Messi sont contestables. T'as Momo Salah qui fait une saison remarquable et qui cette année peut être le, celui qui va rompre la dynamique. C'est le seul à deux conditions. À deux conditions. S'il gagne la Ligue des Champions. Et s'il fait une Coupe du Monde. Non, mais dans tous les cas. Bah, l'Egypte, malheureusement. Non, mais les gars, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence. C'est que. On sait bien que la Coupe du Monde, ça sera le juge de paix pour l'attribution du Ballon d'Or. Mais si, par exemple, le Real gagne la Ligue des Champions et que le Portugal fait au moins un quart de finale. Ronaldo. Ce sera Ronaldo évidemment. Ouais. Si Messi gagne la Coupe du Monde ou va en finale, il y a des chances que ce soit Messi aussi. Donc je veux dire, Salah il pâtit de deux choses. Il pâtit du fait d'abord qu'il joue dans une sélection qui, grand maximum, peut-être peut espérer atteindre les huitièmes de finale. Et puis, j'aimerais bien parler de Mohamed Salah, surtout qu'il fait une très grosse saison. Mais pour en venir à Iniesta, voilà. Oui, voilà, c'est que. J'ose espérer qu'il est installé, mais moi j'y crois pas un seul instant. Le problème en fait d'Iniesta. Son grand drame, c'est qu'il n'a jamais été le numéro 1 de son équipe. Il a toujours été médiatiquement, footballistiquement inférieur et derrière Messi. Ouais. Il n'a jamais Au Barça et en Espagne aussi, c'est son poste en Espagne un peu plus, mais c'est son poste aussi milieu relayeur qui fait que peut-être un peu plus offensif que Xavi, mais il était souvent derrière Xavi en Espagne peut-être aussi. Oui, Xavi, ces mecs là, c'est pour ça peut-être des joueurs qui tombent dans la mauvaise époque. C'est comme au tennis, David Ferrer, le pauvre, il fait 5e mondial toute sa carrière. Et il est tombé pendant Murray, Federer, Djokovic et Nadal. Tout à fait, c'est terrible à dire, mais je pense qu'Iniesta paye ça aussi. Après, voilà, un mec, pareil, il est beau, élégant à voir, mais Pirlo, des beaux joueurs, Snyder, aurait également mérité le Ballon d'Or. Peter Crouch. Steven Nzonzi. Juste pour terminer, oui ou non, Iniesta méritait-il le Ballon d'Or? Oui. Surtout ce que vous venez de dire. Ce qu'on venait de dire. Oui, comme tant d'autres. Oui, il le méritait. Oui, comme tant d'autres. Du coup, le mérite, parce que le verbe est quand même important sur ce coup-là. Voilà, comme tant d'autres. C'est pour ça que mériter ça s'approprie bien. Heureusement, j'ai dit oui ou non seulement. Oui, mais il faut apporter la contradiction. En fait, parce qu'on peut pas avoir une réponse comme ça aussi cash. Ouais. Non, mais moi j'aime bien être. Toujours peser le pour et le contre. D'ailleurs, on va être cash de suite, puisque ça va être le fameux moment. Ça va être le jingle quiz. Sport and chill, le quiz. On va s'échauffer un peu. On va s'échauffer, on va commencer tranquille, on va faire un tour de table pour commencer tranquille, même si je pense que peut-être certains ont déjà la réponse à sa première question. Quelle est l'année du premier Ballon d'Or? On va commencer à gauche. Première fois qu'on a décerné un Ballon d'Or. Je dis juste le nom parce qu'il doit en avoir qui l'ont. C'est Stanley Matthews. 1951. Oui, Dimitri, ne regarde pas. Alors, comme ça. 1966. 66. Impossible. 1956. 56. Coup de Prague. C'est pas Budapest. Ah bah si Yacine dit 56, j'ai bien envie de dire 56, mais je pense que c'est 1960. Non, parce que t'as copain en 58 déjà. Eh oui, c'est vrai. Bah j'ai perdu 60. 56. Ouais. 1956. Point. Moi j'aurais dit avant 60 aussi, mais 56 peut-être pas. Hein? En même la Ligue des Champions. T'aurais dit de quoi? J'aurais dit avant 1960 aussi. Ouais. Mais après le 56 exact. J'ai dit quoi avant 51? Ouais. On va faire un tour de table et si vous dites une mauvaise réponse, vous êtes éliminé. Donc c'est pas éliminatoire de suite, mais. Enfin, si, c'est éliminatoire de suite. On va faire un tour de table, on va commencer de l'autre côté. Quels sont les clubs français à avoir au moins placé un de leurs joueurs sur le podium? Donc tu joues à un club français qui a au moins placé un joueur. Olympique de Marseille. Olympique de Marseille, oui. Bon, c'était Papin, évidemment. Le seul, d'ailleurs, lauréat en 93, non, c'est ça? 11. 11. 11. Donc Marseille, c'est bon. Yacine. Yacine, il est en train de se... Sur le podium, donc 1, 2 ou 3. Allez, Yacine, il faut aller vite, par contre, sur ce coup-là. Paris. Paris avec Georges Weah. Non, le dernier. Non, oui, Neymar. Neymar, oui, bien sûr. Georges Weah. Troisième. Weah aussi, non, peut-être. Il était à Milan, je crois. Il était pas à Paris. Dimitri. T'as eu chaud. Ouais. Le français. Stade de Reims. Stade de Reims, oui. Ouais. Copa, du coup. Non, c'était pas Copa. Je sais plus qui c'était. T'as Copa aussi. Ah non, il était au Real à ce moment-là. Il était au Real. Ouais. Piantoni, peut-être. Ouais, je pense pas. C'est pas vainqueur, hein, c'est un 2 ou 3. Oui. Le Bayern avec Ribéry. Non, un club français. Je te laisse une deuxième choix. Un club français qui avait un français ou un autre une autre. C'est pour ça que je me disais pourquoi ils disent pas, c'est pas possible. En fait, c'est parce que c'est un club français. Oui, c'est pas un français, c'est un club français. Ça peut être un Malien ou un Sénégalais ou un Lyon. Un Américain. Non, Lyon, jamais. Oh, allez, minuit. On continue. Ah, yes. Saint-Etienne. La SSE, oui. Bien joué. Bah oui, mais oui, mais. Mais mince. J'hésite, mais je vais dire Bordeaux. Bordeaux, deux fois. Deuxième. Deux fois, deuxième place. Peut-être il gagne à IGRS. Il en reste. Un pour toi, Dimitri. Déjà, Guillaume et Yacine ont un point, chacun. Il en reste un. Attention, je mets déjà le point. Je vais dire. J'ai pas me trouver. Bordeaux. Je l'ai dit. Bordeaux, il a déjà dit, je te laisse une deuxième chance. Je vais dire, allez. Bon, Monaco. Non, c'est le dernier, qui c'est qui l'a ? Sébastien. Je mets un point à celui qui l'a. Alors attends. Le dernier. C'est pas Nantes ? Non, c'est pas Nantes. Allez-y, hein, dépêchez-vous, dites-le autant que possible. À JOCR ? Non. Nice ? Bastia ? Non. Racing Métro ? Non. Dommage. Montpellier ? Non. Nîmes ? Béziers ? Bayonne, Biarritz ? Lens ? Non. Stade Rennais ? Ça me ferait mal, mais. Attends, ça, non, ça t'a déjà dit. Nancy. Nancy. Ah, ben oh là là là là. Non. Allez, on fait un tour de table encore. On parlait d'Iniesta, les Espagnols n'ont pas gagné de Ballon d'Or depuis il y a un petit moment. Quel était le dernier à avoir gagné le Ballon d'Or ? Yacine, tu commences. Dernier Espagnol à avoir gagné le Ballon d'Or. Je vais dire. Luis Suarez. Suarez ? Il est uruguayen. Luis Suarez, l'Espagnol de nationalité. Dimitri. Di Stefano. Di Stefano. Bon. Ça me paraît loin. Raoul. Malheureusement, j'aurais bien voulu, mais non. On peut dire pareil que Yacine ? Oui, tu peux dire pareil. Luis Suarez. 1960, c'était. En 1959, c'est Di Stefano. Et en 1960, c'est Luis Suarez Miramontes. Qui joue à l'Inter, je crois. Il est encore sur le terrain aujourd'hui, il vous dit. Il a une santé incroyable. C'est incroyable, cet homme. Il court plus vite qu'avant. Il va faire la Coupe du Monde. Rapidité, allez. Attention. Il n'y a pas eu un Espagnol depuis 1960. Ouais. Non, c'est vrai. Rapidité. Qui est le plus jeune élu au Ballon d'Or ? Plus jeune vainqueur de Ballon d'Or. Messi. Non. Ronaldo. Lequel ? Luis Azeiro de Lima. Oui, 17. Mais il y en a un autre. Un point. Il y a un autre ? Il n'y a pas que Ronaldo ? Lothar Matthäus ? Non. Denis Lo. Attends. Kurt Müller. Platini. Van Basten. Cruyff. Je te fais les gros yeux, Guillaume. Kevin Keegan. Il a joué à Liverpool. Gerrard. Kevin Keegan. George Best. Rush. Michael Owen. Eusebio. Michael Owen. Oh là là. Michael Owen, franchement, depuis qu'il a joué à Manchester, non, c'est fini. Oui, Michael voilà. Écoutez Owen, bien, quoi. Rapidité. Non, autour de table, ça va être marrant. Parmi ces pays, Pays-Bas, URSS, Yougoslavie, Tchécoslovaquie et Écosse, lequel pays n'a jamais eu de lauréat ? Tu commences, Dimitri. Pays-Bas, URSS, Yougoslavie, Tchécoslovaquie et Écosse. C'est Dimitri qui commence ? Ouais, c'est Dimitri qui commence. On va dire. Lequel de ces pays ne l'a jamais eu ? Il n'y en a qu'un. Tchécoslovaquie. URSS. Tu dis Tchécoslovaquie. Toi, tu dis URSS. Tchécoslovaquie. Tchécoslovaquie. Yougoslavie. Yougoslavie. Yacine va tout défoncer, je pense, ce soir. Parce que, alors, donc Van Basten, Pays-Bas. Joseph Mazzocchi. Lev Yashin, URSS. Pavel Nedved. Mais avant, il y en avait un autre. Ah, c'est République tchèque, Pavel Nedved. Ouais, mais il y en avait encore un autre aussi avant. Et Denis Lo en Écosse. Denis Lo en Écosse. Comment, c'est qui le russe ? Lev Yashin, le seul goal. Puis même, je le seul goal qui a gagné. Yakashin ? Non. Je crois qu'il y avait Oleg Blokhin. Ouais, il y avait d'autres aussi, mais il y avait. J'ai dit un exemple. Parce que Van Basten, je pense qu'il y en a eu d'autres de Pays-Bas. Rapidité. J'arrive, Yacine. 1972, 1981, 1988 sont des années d'un record. Quel est-il ? L'écart. C'est, je crois que ça correspond. Mais quoi ? C'est un tour de table ou c'est. Non, c'est, ouais. C'est comme tu veux. L'écart de points ? Non. Ça correspond, je crois, aux trois années où trois clubs mettent trois joueurs sur le podium. Non, mais si, presque. Oh pétard, mais t'as cherché ça où là ? Non, mais c'est y est, presque. Je peux le dire ou pas? Bah, deux joueurs du même club? Ouais. Non. Trois joueurs du même pays. Ouais. Trois joueurs du même pays. Durant cette année, le podium est uniquement dans le même pays. Donc 72, Beckenbauer, Müller, Gerd Müller, Netzer. En 81, Rummenigge, Breitner, Schuster. Donc encore les Allemands. Gullit, Van Basten, Rijkaard. En 1988. Gullit, Van Basten, Rijkaard. Redi? Van Basten, Gullit, Rijkaard. Voilà. C'était facile. Bah, Milan. Ouais. Yacine, est-ce que je peux laisser jouer les autres? Vas-y, ouais. Vas-y, vas-y. Vas-y. Terrible. On va faire un tour de table. Là, ça va être beaucoup plus dur. Fabriqué en France par la maison Merelio, le ballon d'or est tout à fait est en fait constitué de deux demi-sphères de laiton qui sont ensuite dorés à leur fin. Ah oui. Le tout est posé sur un socle de pyrite et de laiton pour donner naissance à un trophée de 31 cm de haut et 23 cm de large. Un travail long d'une centaine d'heures. Combien coûte un ballon d'or? Tu commences, Paul. Ah, tu peux jouer, allez, je donne une info pour tout le monde. La palme d'or de Cannes, par exemple, en comparaison, c'est 20 000 euros. Ah oui, d'accord. Donc, elle est en or, la palme d'or. Hein ? Elle est en or, la palme d'or. C'était petit, maintenant, oui. C'est beaucoup plus gros. C'est petit, une palme d'or ou pas ? Ah, une palme d'or, ouais, c'est un truc que tu tiens. Dans la main. Dans la pomme de la main. Perso, je sais pas. C'est deux demi-sphères de laiton qui sont ensuite. Vous rigoliez, mais il faut écouter. Deux demi-sphères de laiton qui sont ensuite dorées à leur fin. Moi, donc, à l'intérieur, c'est leur pas fin, de. C'est pas de. Pour moi, c'est pas si cher. Pour moi, c'est pas si cher. Je sais pas pourquoi, j'ai 38 000 euros en tête. 38 000 euros, d'accord, non, c'est précis. Non, non, mais. Allez. Ouais, 50 000 euros. 50 000 ? 20 000, hein, une palme d'or, hein, je rappelle. C'est, ouais, je sais pas ce que ça veut dire, ça. Je sais pas si ça veut dire si c'est beaucoup ou pas. Je pense qu'en fait. Je donne une information, c'est pas. Je pense que c'est le socle qui est, doit être super cher. Il a été rajouté d'ailleurs, le socle après, ouais. Par ouais. Platini. Et j'estimerais ça. Ouais. 51 000. 51 000. Ouais, t'es précis loin que moi alors. 44 000. 44 000. 45 000. Oh, c'est juste après. C'est encore Yacine qui prend le point. Ah, ouais. Seulement 13 000. Ah. 13 000 euros, vous avez vu un j'étais peu. J'étais à 38 000 trop. Non, il a dit 38 000. Hein. Ouais, mais j'ai dit 50 000 après, ouais. Ah. Allez, non, on va mettre quand même le point à Paul parce que sinon Yacine. 0,25. Je vais te faire plaisir, franchement, les gars, merci. J'en reconnais. Merci. Sympa. Ah, tu vois, tu nous as mené en erreur avec ta palme d'or qui pue. Bah, palme d'or, c'était le plus proche en tout cas. C'était indicatif, hein, c'était bon à savoir. Allez, rapidité. En Ligue 1, on a eu le meilleur joueur, mais aussi le pire. Ce n'est pas un ballon d'or en Ligue 1, mais c'est le ballon de plomb. Une récompense de données de 2003 à 2013, malheureusement, plus d'actualité. Est-ce que vous pouvez me citer juste un des vainqueurs? Bernard Mendy. Bon, bah, ils ont dit Bernard Mendy. Si vous en avez un autre, Matt Moussilou. Blaise Kouassi. Point pour Guillaume, Matt Moussilou. Ouais. Francis Lasserre, Fabrice Fiorez, Benoît Predetti, Bernard Mendy, Matt Moussilou, Frédéric Piquion, Matéja Kezman, Johan Demont, Moussa Mazou, Issam Djema et le dernier, Florian Thauvin. T'as Fiorez. Mendy, il a pas gagné deux fois. Mazou, ouais. Mendy, je crois qu'il a gagné deux fois. Ouais. Attends, c'est quoi? Encore beaucoup de joueurs de lance dedans. Ah, de bon, ouais. Bah, mon plan, c'est déjà t'as été mauvais. Mauvais comportement pour Thauvin quand il est parti. Ouais, c'est ça, ok, d'accord. Dernier, oui, c'est aussi le comportement, c'est pas forcément le. Oui. Allez, rapidité. En Italie, ils ont le bidon d'or, bidonné des d'or. Attribué aussi au plus mauvais de 2003 à maintenant encore, parce que ça existe encore. Ouais. Quel est le seul français à l'avoir eu? Flamini. Mexès. Mbaye Niang. Non. Ça aurait été super possible, ça. Ouais, Montpellier, il dit. Pas Mexès. Ouais. Jérémy Ménez. Non. Oh, pas mal. Ça. Gourcuff. Non. Ah, le Biabiani. Non, dommage, ça aurait pu. Il est connu ou pas? Oui. Mbogossian. Non. Kondogbia, non. Magné. Okay. Point. Kondogbia. Ah, oui. Geoffrey Kondogbia en 2016, l'année dernière, avec l'Inter. Kondogbia. Pour son but contre 45 mètres. Oui. Non, ça c'était après. Oh, pétard, son coup franc. Rapidité, qui a dit? C'était difficile, hein, ça. J'ai gagné tous les trophées, j'étais présent de A à Z. Que ce soit avec mon club ou ma sélection. Ronaldo. Franck Ribéry, point. J'étais buteur, j'étais passeur, j'étais décisif, j'étais au sommet, je ne pouvais pas plus. Oui, c'est vrai. Pour moi, c'est comme si c'était un vol. Je n'ai pas eu tout mon pays derrière moi, tout simplement. Les médias argentins ont soutenu Messi, les médias portugais ont soutenu Ronaldo, les médias de mon pays, eux, m'ont pourri. Oh. La rotonde n'a pas Franck tourné Ribéry. Pour lui. Franck Ribéry, Guillaume. Yacine à 7, Guillaume à 4. J'arrive, Yacine, j'arrive. Rapidité, qui suis-je? Oui. Je suis un ballon d'or. Je commence ma carrière en parcours junior et professionnel dans un club de mon pays. Je suis d'ailleurs le plus jeune joueur de ce championnat à ce moment-là. C'est un pays qui n'a jamais été trop au top du niveau mondial, même si on me prête quelques titres. Nedved ? Je pars dans l'Europe de l'Ouest, dans un pays forcément pas forcément connu pour le football. Andriy Shevchenko. Mais plus pour les sports d'hiver. Par la suite, je suis transféré 2 ans dans un club anglais où je ne marque que 2 buts. C'est un ratio faible puisque je suis tout de même ailier. Je rebondis en 2015 dans un club d'un autre grand championnat avant de confirmer en 2016 dans l'un des meilleurs clubs de ce championnat. Pendant ce temps-là en sélection, j'enchaîne les buts et je suis l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur de ma sélection. 33 buts en 57 matchs. Enfin, en 2000... Ouais, j'ai jamais dit que c'était un ballon d'or normal, c'est un ballon d'or africain. Mohamed Salah, enfin en 2017, je reviens dans le championnat où j'avais échoué en 2014, la première ligue. Je ne gagne pas de titre, mais je vais en finale de Ligue des Champions, je suis un ballon d'or africain. Je suis Mohamed Salah. T'as dit quoi, les sports d'hiver? Ouais, il arrive en Suisse. En Suisse, ouais, je suis plus. Ah oui, parce que moi, l'Egypte. Non, il arrive dans un pays où on connaît plus pour le sport d'hiver, c'est donc ça. À Bâle, en Suisse. Bah, je me suis perdu un peu de l'explication. Au début, je partais d'un joueur d'Europe de l'Est. Pareil, évidemment. J'ai fait exprès de dire je pars en Europe de l'Ouest. C'est bien joué, non, mais c'est très bien joué. Parce que je te connais, toi. Voilà. J'ai fait exprès de dire que je suis un ballon d'or parce que vous êtes tout de suite tombé dans le. Ah, bien joué. Allez, rapidité. Un seul footballeur a reçu le ballon d'or d'honneur. Qui est-ce? Maldini. Xavi. Puyol. Parisi. Buffon. C'est un ballon. Il a reçu le ballon d'or d'honneur parce que son époque, il l'avait pas. Pelé. Oui, c'est Pelé, bien sûr. En 2014. Oui, ouais, c'est vrai. Oh, il revient, Guillaume. 7 à 5. À l'époque, c'était que les Européens. Il reste deux questions. Le ballon d'or 2017 donc, est Cristiano Ronaldo, considéré comme le meilleur de son sport, donc du football. Citez-moi le meilleur joueur d'un autre sport collectif, dans sa distinction. Karabatic en handball, il a eu sa distinction-là. Dan Carter. On peut rester Boden sur Barrett. Boden Barrett, point. Du sautoir. Il n'y a pas de... L'année dernière. Ah oui. L'année dernière, pardon. Erwin Engapet. Alors là, je sais pas si je le compte parce que c'est la Ligue mondiale, c'est par rapport à un tournoi. Donc, tu vois, est-ce que je peux compter un. Enfin, je sais pas si Roger je peux compter. Federer. Ça. Non. Sport collectif. Ah, sport collectif. Non, sport collectif. Ouais. Non, je pense qu'on va arrêter là parce qu'il y en avait que deux de distinctions comme ça. Des distinctions comme un ballon d'or, tu vois. Il y a que le meilleur joueur IRB, donc Boden Barrett. Le meilleur joueur de handball, ça existe aussi, c'est Karabatic l'année dernière, même s'il est en 2010, c'est en 2016. Ouais. 2017, c'est en cours, donc j'ai pris le dernier. J'aurais pu accepter la NBA, mais sachant que c'est un sport d'un seul pays, bon voilà. Du coup, point pour Paul, point pour Guillaume. 7-6. Le dernier, je mets 2 points. Oh là là. Le dernier, c'est un peu... c'est pas très objectif comme question, mais c'est un peu pour finir en beauté. Citez-moi un ballon d'or qui me ferait plaisir. Faut trouver le truc. Ouais. Non. Faut trouver le truc. Faut trouver le. Y a aucun Lensois qui a un ballon d'or, non, mec. Je pense pas. Y a El Hadji Diouf qui a eu le ballon d'or africain. un ballon d'or qui me ferait plaisir. Attends, Flo, on se connaît pas trop encore. Bobby Charlton ? Non, c'est pas besoin de me connaître. Enfin, au moins connaître un minimum de moi, quoi. Manchester United ? Non, pas forcément connaître mes goûts sportifs. Franchement, c'est chanteur de Linkin Park, non? Shevchenko, Ballon d'or 67. Eusebio. Di Stefano? Non, moi ça me ferait pas plaisir, forcément. C'est pas de l'eau, c'est pas Denis. Le Brésilien. Trillon, il y a un mec qui s'appelle Trillon. Non? Florian Thauvin. c'est le Hongrois. Florian. Puskas? Non, c'est Florian, c'est son Fuskovic. Il s'appelle Florian. Fuskovic? Non, c'est un joueur. Attends. C'est un prénom. Il est hongrois, mais c'est un prénom. Oui. C'est un nom français. Florian Albert, l'hongrois qui a gagné. Le mec, mais comment tu connais ça? Attaquant du Ferencváros. Ballon d'or en 67, juste après Bobby Charlton en 66, et juste avant George Best en 68. Donc c'est pour ça que ça me fait plaisir. Non, malheureusement, victoire de Yacine. C'était dur, hein, parce que j'ai eu vraiment affaire à une remontada. Voilà. Et donc, il n'y en a pas eu cette semaine, il en fallait bien une. Donc voilà, je sais que la question n'était pas la meilleure la dernière, mais je me suis fait plaisir. Voilà. Oui, t'as le droit, c'est ton émission. Allez, on va terminer avec l'agenda de la semaine. C'est le football, donc on va commencer lundi. Donc techniquement, ce soir, quand vous écoutez cette émission, il y a Lyon MHSC en quart de Coupe de France de féminine. Demain, mardi, Demi de Coupe de France ? Oui. Ah oui, demi de Coupe de France, ouais, c'est ça, exact. Oui. Mardi, finale de Coupe de France, PSG Herbier, les Herbiers. Mercredi, il y a du championnat, de la Liga par exemple, Barcelone-Villarreal, Séville-Real, et la finale de Coupe d'Italie entre la Juve et le Milan AC. Vendredi, la dernière journée de Ligue 2. Bon là, il y a encore de la Ligue 2, mais là, techniquement, ce sera la dernière journée quand vous écouterez cette émission, avec notamment Reims, Nîmes et Ajaccio-Niort. C'est notamment les matchs qui seront importants. Samedi et dimanche, ça sera la 36e journée de Ligue 1, l'avant-dernière. Multiplex, samedi 21h, Strasbourg-Lyon, Guingamp-Marseille, LOSC Dijon, Monaco Saint-Etienne, Montpellier 3, PSG Rennes, Nice Caen, Bordeaux Toulouse, Angers Nantes et Amiens Metz. Et Première Ligue, ce sera la dernière journée, Liverpool Brighton, Manchester United Watford, Newcastle Chelsea, Tottenham Leicester, Huddersfield Arsenal ou encore le champion Sutton contre Manchester City. Southampton, oui. Pardon. En Liga, ça sera l'avant-dernière journée. Inter Genoa, Atalanta Milan, Roma Juventus, ou encore la Sampdoria contre le Napoli. Et en Liga, avant-dernière journée également, Girona Valence, Levante Barcelone, Real Celta Vigo, Getafe Atletico. Et enfin Bundesliga, ça sera la dernière journée là. Bayern Stuttgart, Hertha Berlin Leipzig, Hoffenheim Dortmund et Schalke 04 contre Francfort. En rugby, c'est les matchs de barrage top 14 Pro D2. Ça sera samedi à 14h45. À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas qui sera ce match de barrage. Et la finale de Coupe d'Europe, 17h45 à Bilbao, entre le Leinster et le Racing 92. Au handball, 23e journée, mercredi, Massy contre le Paris Saint-Germain, Saint-Raphaël-Chambéry, Nantes-Ivry et le jeudi, Toulouse contre Montpellier. En cyclisme, du 8 au 13, donc cette semaine, les 4 jours de Dunkerque. Il y aura aussi bientôt le Tour de Californie du 13 au 19 mai. C'est un World Tour, donc c'est important. Et enfin, en basket NBA, ce sera le match 4 le lundi, quand il y aura l'émission. Ça sera Jazz Rockets. Il y aura aussi dans la semaine les Sixers contre le Celtic, les Cavs contre les Raptors, toujours les Warriors contre les Pelicans. Et à noter que lundi prochain, l'émission d'après, ça sera le match 7, donc le dernier match. Et enfin en tennis, du 7 au 13 mai, cette semaine, ça sera le tournoi de Madrid. Pour bien préparer Roland Garros. Beau programme. En pronostic, il y a Juventus Milan que je vais mettre. Et j'en mets un autre, je sais qu'il sera normalement surtout pour le PSG, PSG Herbier, mais c'est surtout voir le score qui m'intéresse. J'aimerais bien savoir la cote pour les Herbiers. Je sais pas. Jusqu'où on peut aller. Allez, on va commencer avec Guillaume, tu commences et tu vas me pronostiquer. Allez, PSG Herbier, du coup, on va commencer par celui-là. Je ne pense pas qu'il les humilie. Ah bon ? Non. Est-ce que pour toi 3-0 c'est humiliation ? Non. Ouais, d'accord. Voilà, 3-4-0 maximum. Allez, 4. 4-0 ? 4-0. Les autres ? 5-1. 5-1. Allez, tu vas marquer les Herbiers quand même. On peut espérer. Voilà, sur un 6 mètres avec le vent. Voilà. Dimitri. Areola. Allez, qui voit rien. 3-0. Je suis seul à pronostiquer 7-0 alors. 7-0. C'est possible. J'hésitais même à mettre 8, mais. Fais-toi plaisir. Moi, je pense qu'en fait. Même un score à 2 chiffres. Non, je pense que ça va tenir au début. Et puis à un moment donné, ils vont lâcher. Et dès qu'ils vont prendre le premier. Voilà, ouais, je pense que ça va. Peut-être 1-0 ou 2-0 à la mi-temps. Bon, vu que vous avez déjà mis ça, je vais essayer d'être différent. Je vais mettre 2-0 seulement. Les Herbiers ? Ouais, non. non Victor les Herbiers. 2-0, bon, 2-0 pour Chambly. Voilà. donc, deuxième match, Juve-Milan. C'est la finale de Coppa Italia. On va commencer avec le principal intéressé, Yacine. T'es milanais, toi ? Victoire de Chambly. Ah oui. Ah oui. 2-1 pour la Juve. 2-1 pour la Juve. Ouais. Guillaume, c'est quoi le format, Yacine ? C'est prolongation tir au but, ça ? C'est ça, prolongation tir au but. Ah. À l'Olympico. Milan au tir au but. Rien ne ferait plus plaisir. Milan, on tab. Mm-hmm. Moi, je veux bien 1-0 Juve. 1-0 Juve. Désolé Yacine. C'est pas grave. Dimitri. Je vois la Juve prolongation. Oh, comme en 2016. 1-0. Oh, comme en 2016, pareil. Et oui, évidemment. Et bah moi, vu que je fais différent comme tout le monde, là, je vais mettre 7-0 un partout. Milan. Un partout, prolongation Milan. Voilà. Voilà, je pense qu'on a tout dit. La semaine précédente, quand tu as fait l'émission, Yacine, vous avez pronostiqué MHB Flensburg. Ouais. Tout le monde avait pronostiqué la victoire de MHB, mais pas avec plus. Pas avec 12 points. Ouais. Du coup, un point pour Vincent, Paul, Romain, Yacine et Dimitri. Donc, ce qui fait qu'au classement, j'ai 17 points, Guillaume et Dimitri 13, Romain 12, Tim et Paul 9, Théo et Yacine 8, Vincent 7 et Thibaut 5. Voilà ce qu'il en est. On va terminer là-dessus. Je vous remercie ceux qui nous écoutent, peut-être pas en direct là, mais ce lundi de nous écouter. On va bien partager sur les réseaux sociaux. À la technique, évidemment, Arnaud, merci bien. Merci. Et à mes chroniqueurs ce soir d'être venus. J'espère que ça a été pour cette première, Guillaume. Parfait. Bon, merci. C'était une belle émission pour la première. Donc je vous remercie. Et puis nous, on finit sur le son de la semaine. C'est Greg Antil, le handballeur montpelliérain, contre Flensburg. Alors là, j'ai pas l'année, j'ai faux là-dessus, je persuadé pense que c'est 2005. C'est vers 2005, donc voilà. Face à Flensburg, qui à une seconde de la fin, donc le MHB n'est pas qualifié, doit marquer pour se qualifier en demi-finale de Ligue des Champions. Coup franc pour Montpellier avec un mur évidemment énorme, notamment à une seconde de la fin, il y a toute l'équipe d'en face qui lève les bras. Anquil décale et marque et qualifie Montpellier sous les hurrahs du Palais des Sports au Nebouliol. On se retrouve la semaine prochaine. Ça sera bien lundi prochain. Ça sera bien une émission en direct. Ça sera en collaboration avec le Krebs. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine, 19h-21h, sur Radio Campus Montpellier. Salut à tous. Au revoir, merci. Salut à tous. Au revoir. Sen Laskovic, Palmer. Ouais ! Énorme ! Greg Antil en Tador ! C'est énorme ! Vous l'avez vu, c'est un Claude Destin ! Et d'où il sort celui-là ? C'est fabuleux, les Montpellierains se sont couchés les uns sur les autres. Mais qu'est-ce qu'on aime le handball ! Il y est ! Un but historique, jamais ! Ce n'est rentré, ça, dans l'histoire du handball. Jamais ! Et c'est passé entre les jambes de Lepert. Et Greg Antil qui marque, il a jeté son maillot. Ouh, Montpellier est en demi-finale de la Ligue des Champions. Sport and Chill, tous les lundis de 19 à 21h sur Radio Campus Montpellier.